Allez, Mickaël va chanter pour maintenant. Ce soir maintenant. Mickaël va allez, nous chanter. Allez, Mickaël, donne-toi. Vas-y, vas-y. Fais-moi le lap du Connemara. On t'écoute. Terre brûlée. Oui. Ah oui. T'as vu, hey, tu veux que je te fasse une vraie chanson? Attends, je te sens. Est-ce que tu veux que je te fasse une vraie chanson? Oui, ouais, vas-y, la guitare. Avec guitare et tout le bordel. Ouais. Alors, attention. Et là, vous n'allez pas vous la ramener. Alors, attention, je m'installe, je me mets un petit peu plus loin là. Attendez. Ouais. Eh ouais. Et attends, je peux même chanter en c'est même temps. C'est pas toi là, c'est pas toi. Bien sûr, donc évidemment que c'est moi. Regarde. Ça va pas être la guitare. Écoute ça. Allez, je chante. Ah oui, c'est ça. Voilà, et c'est quand même pas mal. Je ouais, dis c'est ça qui chante ça. Ça m'était une arnaque. 74, c'est pas. On le connaît, les Connell, 74, 75. Oui, bah écoute, justement, ils ont tout poupé, ces enculés. Putain, c'est vrai, non mais c'est vrai. Ils t'ont tout piqué. Complètement, mais j'ai rien dit. Bon, t'as après, été plagié. Eh, le doc te met à l'amende, doc. Chante une chanson, c'est pas ça. Non, moi je chante pas, moi. Non. Only you. Ça c'est pas moi, non. Je ne chante pas. Ah bon, bah c'est dommage. Tant pis. Non. C'est pas grave. Je pense qu'on rate rien. Ouais, non, rien du tout. Pour le coup, non. Pour le coup, non. Bon, allez, rendez-vous demain. On sera là. Attention. Demain, c'est la dernière. Dernière avant les vacances. Mais on sera là demain. Non, on est encore heureux, tiens. Il y a déjà 4 jours. Là, il manque plus que ça. Je serai avec vous après. Je reste avec vous. D'accord. Chiche. Franchement, ouais. D'accord. Très bien. Eh bah parfait, ok d'accord, bah demain avec tu vas me trouver un homme, c'est ça mon gars. Bah écoute, si tu veux, pas de problème, tu sais bien. On va t'en présenter plein. Oh plein, tu vas voir, non, ça va être la folie. Non, t'es la top, c'est tout ce qui compte. Moi aussi je t'aime Karima. Oh la dégueulasse, oh là là. Alors qu'elle a l'air classe quand on la voit comme ça, en fait elle est dégueulasse, c'est une horreur. Jaloux. C'est ça. Jaloux. Bon, allez, bonne soirée à vous. Et on est parti jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que ça s'est bien passé aujourd'hui. Journée qui m'a coûté bien cher. Oh là là. Trop cher. Oh beaucoup là trop là cher. Puisqu'on est allé chercher les Louboutins de Pam Pamela qui a gagné dimanche dans l'émission. C'est alors, Louboutin. J'ai vu, ouais, chez Louboutin, ouais, les nouvelles Louboutins. Et donc j'ai vu plein de messages. Donc alors apparemment c'est ma meuf. Ça aurait pu. Attends, c'est quoi? Non, c'était ma soeur aussi, j'ai vu. Hein. Donc déjà, sachez que je ne baisse pas ma soeur. Ça, c'est la première chose. Hein. Non mais que ce soit clair, parce que j'ai vu des messages qui disaient ouais en fait c'est ta meuf, non, et puis il y en a d'autres qui disaient ouais mais c'est ta soeur, et comme par hasard elle est mignonne, alors que si on avait pris le par hasard une meuf moche, ils auraient dit ouais et pourquoi vous avez pris une moche, ça lui ira pas de toute façon les Louboutins, alors c'est que ça. Moi j'aurais pu gagner, et puis il y en a aussi qui ont dit ouais mais vous savez combien de caddies j'aurais pu remplir avec ça. Oui, bah t'as vu le mec sur les champs avec sa Ferrari là, t'aurais pu remplir encore plus de caddies. C'est vrai, donc voilà plein, hein. Ah bah complètement, ouais, voilà, donc Pam Pamela avec les Louboutins, et d'ailleurs les photos d'ailleurs sur le Facebook, pour aller voir facebook.com/emi. Mickaël officiel. D'ailleurs, venez nous dire aussi la plus grosse dépense que vous avez faite pour les cadeaux de Noël. Bah moi 450. Hein. Ça, c'est, oui, c'est pas mal déjà. Ça, c'est déjà une belle dose hein, quand même. 450 balles. Donc dites-nous comment ça s'est passé. Hein. La plus grosse dépense que vous avez eu l'occasion de faire. Eh bien, vous balancez vos messages maintenant. Hashtag et Mickaël. Sandro, combien la plus grosse dépense? Je sais pas. D'accord. Toff, combien la plus grosse dépense? Pour le moment. En vrai, hein, en vrai. Pour donc, cette année, tu parles. Hein. Oui, oui. Enfin, pas spécialement, mais en règle générale. Je suis à 250. Oh l'enculé! Après, oui, mais je n'ai pas d'argent. Oui, mais c'est pour mes parents. Et alors? Ah ouais, d'accord. Alors du coup, il trouve Polo la plus grosse dépense. Comme je n'aime que moi, je me suis offert un beau voyage une fois. Mais t'as une fois seulement. 2000, c'était le tout, ça m'a coûté 2500€. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est hôtel. Ah oui, mais je m'aime. Il s'est fait. Non, mais il s'est bien. Tu t'aimes énormément. Il a raison. C'est le seul cadeau qu'il a fait aussi. C'est hein, vrai, c'est vrai. Ah bah oui. Il y a Nasser aussi qui est avec nous là de Montélimar. Salut Nasser. Nasser. Non, c'est ma faute. Ah d'accord. Bon Nasser, alors sois le bienvenu, t'appelles de Montélimar, toi 21 ans, t'as passé une bonne journée? Impeccable, et vous? Eh bah tranquillement. Bah comme on l'a dit, on a été avec la gagnante de dimanche là chez Louboutin pour acheter la paire de Louboutin. Et puis cher quoi. Ah bah j'imagine. Ah bah trop cher, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher pour une chaussure où Pam Pamela s'est levée et a failli glisser tellement le truc il est lisse. C'est-à-dire qu'il y a une semaine qui sert à rien. Une femme, c'est trop cher. Ouais, non, bah non, pas spécialement, c'est pas le problème. C'est trop cher dans l'absolu. Alors qu'une belle paire de Louboutins à 25€. C'est vrai, mais disponible que le dimanche et le lundi au marché avec Toff. Peut-être. Voilà. Au plus de 5 points. Exactement. Bon, on va parler de quoi avec toi, Nasser, là, ce soir? Eh bien, écoute, j'ai mon ex. Quand j'étais avec elle, en fait, mon cousin a réussi à la serrer, on va dire. Oh, ah, c'est bien, c'est en famille, comme ça, c'est cool. Franchement, c'est en famille, ça reste en famille. Mais oui, c'est ça. Bon, du coup, t'as un peu la rage. On va en parler dans quelques minutes, là, c'est reste avec voilà. nous. Tiens, Sandro, t'es de quel signe? Poisson. Poisson. Alors évidemment les tout derniers hein, parce que je suis tombé sur un truc enfin je vais t'en parler dans quelques minutes mais rapport au cul avec l'horoscope. Ah d'accord. Voilà donc tu vas être Ah c'est toujours intéressant. Oui bah je sais bien donc justement. Et ton ex c'était quel signe? Mon ex Ou ton mec actuel hein? Lion. Lion, très bien. Alors, Lion, ah, ok. Très bien. Je n'en dis pas plus. Je vais lire tout ça dans quelques minutes. Restez avec nous. Toff, c'est Balance, toi, c'est ça? C'est Balance, oui. D'accord. Okay, ascendant très bien. Salope. Ascendant salope. Non, mais vous êtes grosse une ordure. Complètement. Oh, espèce de connard. Voilà, tout son ça, c'était les amis. Le chinois et le chien. L'enculé. Pardon, c'est son signe c'est chinois, c'est l'enculé. C'est le singe. Ça ne m'étonne même pas, tiens. Bon, et puis Polo également, là, qui. Oui. Quel signe, lui? C'est Verseau, non? Non, il est poisson comme son gros. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais, d'accord. On sent un peu le poisson. Bah oui. Apparemment, effectivement. On sent oui. la friture. Voilà, donc, et puis bah, le Pipo qui est là aussi ce soir. Dites-nous d'ailleurs quel signe vous êtes, hein, qu'on puisse en parler justement. Et puis si vous voulez connaître le vôtre, envoyez. Pas votre signe, hein, mais sur ce que ça veut dire évidemment. Envoyez-le sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Comme tous les soirs, on vous offrira un joli sextoy à la fin de l'émission. Oui. Pour participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Voilà, donc en tout cas, bonne chance. Donnez-nous vos signes. D'ailleurs, on peut parler en speed de celui de Sandro justement. Hein. Alors, donc, poisson. Alors, les natifs du poisson savent lire le langage corporel à la perfection. Oui. Rien ne leur échappe. Et si votre partenaire est poisson, en imaginant que Sandro se tape Polo, par exemple, parce que vous êtes tous les deux poissons. C'est pas probable, mais. C'est tout est possible. Donc, si votre partenaire est poisson, vous devriez prendre énormément de plaisir au lit, car il sait que ce que vous aimez, il peut le lire dans vos yeux, votre gestuelle trahit vos envies, et votre partenaire saura parfaitement déchiffrer les signaux presque imperceptibles. Je vais te fourrer. Il sait s'adapter à la situation et vous donner ce que vous aimez, et pour couronner le tout, il adore les jeux de rôle. Ah, drôle avec des croix, tout ça. Ah, t'es déguisé en clown. Alors, qu'attendez-vous pour enfiler votre déguisement d'hôtesse de l'air? Et Polo en pleine pilée. Messieurs, bienvenue à bord de ce vol salope à bord. Oui, bonjour, je voudrais un plateau, si vous voulez. Bon, dites-nous, donc, quel signe vous êtes? On va lire tout ça avant la fin de l'émission, évidemment. Là, il est 23h07, on aura également du son ce soir à vous balancer. Le son de Showtech. Je vous cale Bouya tout à l'heure sur Fun Radio. Il y aura aussi Katy Perry. Et puis je vous cale aussi bien entendu Tony Junior. Ce morceau est passé dans ma tête toute la journée, ça m'a rendu ouf. Ouais, moi aussi. Complètement ouf. Toute la journée, c'est Tony Junior qu'on écoutera tout à l'heure avec Twerk Anthem. Et puis attention également, si vous l'écoutez, si vous voulez choisir un son, n'hésitez pas. Il y a également beaucoup de demandes pour le son de The Flute qui passera tout à l'heure. New World Sound sur Fun Radio. Donc si vous voulez faire vos demandes, un hashtag et Mickaël, bien entendu, sur le Twitter, sur le Facebook, ça fonctionne également. Et puis on va également d'ailleurs saluer Thomas qui dit, moi c'est 2,50€ là pour une boîte de cassoulet pour Noël, pas mal. Et le prince Nadia qui dit, il faut finir combien ce soir Mickaël pour espérer remporter le sextoy? Il faut terminer 3e ce soir. Voilà, 3e c'est pas mal. Et Hugo Rio qui dit, le cousin de Nasser lui a piqué sa meuf, mais vu que c'est la famille à ce moment-là, no stress. Ouais, j'irai peut-être pas jusque là non plus, mais en tout cas on va en parler d'ici quelques minutes. Bon, on va également se faire qu'est-ce qu'on va se faire? La colle. Et oui, la colle avec Amandine qui est avec nous de Haute-Marne. Salut Amandine. Bonsoir Amandine, bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va très bien. Dis-moi, tu es de quel signe? Gémeaux. Et tu as quel âge? 16 ans. Bah, on va pas le savoir, c'est pas grave. Bon, alors, Amandine, on va se faire la colle pour repartir avec la GoPro ce soir. D'accord. Ça vaut 350€. C'est la GoPro Hero 3 Silver Edition qu'on va te filer ce soir si tu réponds, si tu arrives à niquer tout le monde en gros. Hein. Tu vas poser une colle. Si personne ne trouve la bonne réponse, eh bien tu gagnes. D'accord. Si quelqu'un trouve la bonne réponse mais qu'on l'appelle, il décroche pas, tu gagnes aussi. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. On y va, Amandine. Fais péter la colle, s'il te plaît. Je suis le fruit que le poisson déteste. Qui suis-je? Je suis le fruit que le poisson déteste. Qui suis-je? Je suis le fruit que le poisson déteste, qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et puis si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous offre tout simplement votre GoPro Hero 3, la Silver Edition, que vous pouvez même commander avec votre smartphone. Avec votre smartphone. Oui, je suis un peu fatigué, j'ai eu des problèmes avec ma voisine, je l'expliquerai. Mais deux fois d'affilée, moi j'en peux plus, moi je suis claqué. Hein. Ah, elle me fatigue, mais un déménage. Oui, bon, enfin je peux pas, je suis déjà pas chez chez moi. Ah bon, oui. Donc si vous voulez jouer, allez-y. Amandine, on va te récupérer dans quelques minutes. Vous avez la réponse à la colle. Je suis un fruit que le poisson déteste. Eh bien, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez lire également la colle sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel sur le Facebook. Bonne chance tout le monde. Nasser. Ouais. Nasser, on va parler donc de ton ex là, enfin de ta meuf. C'est encore c'est ta meuf ou c'est ton ex? Non, c'est mon ex choupinette. Oh, ton ex choupinette. Donc qui t'a trompé avec ton cousin, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Tu sais que choupinette est quand même. Oh le bouffon. Voilà. Mais, j'osais pas le dire, mais je suis content que Sandro l'ait fait. Mais il est pas. Il est pas rancunier, t'as vu, il l'appelle encore choupinette alors qu'il s'est quand même barré avec le cousin. Non mais ça choupinette ce mot là on se disait au lit tu vois. Ah d'accord, ok. Choupinette, eh oui. Tiens choupinette. C'est ça. T'as compris. C'est ça. Et, attends parce que Sandro se fout de ta gueule, Nasser, mais c'est quoi attends, le. Non, le téléphone sonne pas. Elle a pas connu Sandro, c'est pour ça. Non mais attends. Attends, Nasser, c'est quoi le pseudo le plus pourri que t'es donné à ton mec? Laisse-moi réfléchir. Non bah vas-y, ça doit venir du tac au tac. Le DJ ou le puant? Non, lequel? Je donne bon, pas de lequel surnom. On s'en fout mais non, quel surnom? Je donne pas de surnom. Quel, allez vas-y. L'ado? L'ado ouais. L'ado, ouais, n'importe l'ado. Quoi. Et toi? Du grand n'importe quoi là. Un vrai surnom, pas ma salope, ma bitch, ma chienne. Non, ça, non sinon il y a Vidjeton que j'appelais Namour. Oui. Quelle horreur. Pour ceux qui ne connaissent pas le vide je tombe, je vous le réexpliquerai dans quelques minutes. Ça vaut le coup. Bougez pas de là. Bon Nasser, reste avec nous, on va parler avec toi dans quelques minutes donc de ta copine qui t'a trompé avec ton cousin. Si vous aussi vous vous êtes déjà fait tromper d'ailleurs, bah appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va parler des signes aussi dans quelques minutes. Et puis on va se faire comme promis le son de Showtex. C'est ce qui arrive dans quelques minutes. Ce sera Bouya sur Fun Radio. Voilà, c'est ce qui arrive dans quelques minutes. On fera également le je t'emmerde ce soir pour gagner les casques Showtex, pas du tout. Les casques Focal qu'on va vous balancer, ça vaut 200€. On joue dans quelques minutes sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France, comme tous les soirs, 01 42 48 5000. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Il y a Daoud Douida qui dit la mienne m'appelle Tigrou, je lui ressemble, paraît-il. Ah oui, Tigrou, c'est sympathique comme prénom. Bon, bah très bien, hein, comme pseudo plutôt. Si vous avez déjà eu des pseudos un peu ridicules pour votre copain ou votre copine, appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis vous pouvez également, bien entendu, envoyer tous vos messages directement sur le Facebook ou le Twitter de l'émission, hein, c'est sur MIKL officiel et vous mettez le hashtag Mickaël bien entendu. Amandine également avec la colle, on va la répéter en speed. Amandine, t'es là? Oui. Oui, très bien. Alors attention, vas-y. Amandine, fais péter la colle, s'il te plaît. Je suis le fruit que le poisson déteste. Je suis un fruit que le poisson déteste, c'est ça? Je suis le fruit que le poisson déteste. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64 900. Et puis si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous offre votre GoPro d'une valeur de 350€ à l'occasion de la sortie du film Kick-Ass 2. Je vous souhaite bonne chance. Amandine, tu restes avec nous. On donne la réponse avant minuit. Et puis on va s'écouter comme promis le son de Showtex maintenant sur Fun Radio. C'est Bouya, bonne soirée. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Le son de Showtex à l'instant sur Fun Radio, c'était Bouya. Bienvenue si vous venez d'arriver là, Mickaël No Limit, on est en direct comme tous les soirs et on est là bien sûr jusqu'à 2h du mat. Et je vous rappelle également qu'on sera avec vous mardi soir, hein, soirée réveillon de Noël. On sera là le 24 décembre à partir de 20h sur Fun Radio puisque toutes les autres radios vous auront abandonné comme des merdes, et ben nous serons là puisque nous avons décidé de passer la soirée en famille. Donc avec vous, on va également vous échanger les cadeaux de Noël. Si vous avez reçu un cadeau de merdique, genre vous avez peut-être reçu, je sais pas moi, une paire de chaussettes tricotées par mémé. Ouais. Bon, le problème c'est que c'est pas facile à porter. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous allez nous l'envoyer. Toff se fera un plaisir de la porter. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et en échange de ça, eh ben on aura des tablettes à vous offrir, des Samsung Galaxy Tab 3. On aura également des Xbox One. On aura également des packs DVD Blu-ray. On aura plein de trucs. Donc voilà. Donc ça va. Échanger sa vieille paire de chaussettes contre une Xbox One par exemple, ça va. C'est plutôt sympa. Non, moi je trouve ça pas mal. Ouais, bah, très bien, très bien. D'ailleurs, si je pouvais. Échanger. Bah une vieille paire de chaussettes. Non, mais t'auras une paire de chaussettes, t'inquiète pas, t'en auras plein. Oh là là. Par contre, la tablette, on peut te la mettre dans la gueule. Ouais, ça, en revanche, c'est gentil. Y a aucun problème. Non, mais vous êtes une ordure. Mais complètement. Bon, on va récupérer Nasser dans quelques minutes avec sa meuf qui l'a trompé avec son cousin. Et puis avant ça, on parlera également des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme cadeau de Noël et quel tarif, quel est le prix le plus cher que vous ayez mis dans un cadeau de Noël? Bah, venez nous en parler. Il y a Julien aussi qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit c'est revenu youpi. Je vous adore, ça fait deux jours que je vous écoute, je vous adore. Bah merci Julien, sois le bienvenu. Romain également qui dit je me lève avec Fun Radio, je mange avec Fun Radio, je roule avec Fun Radio, je danse avec Fun Radio, je m'endors avec Fun Radio, c'est ma radio. Eh bah merci Romain, sois le bienvenu en tout cas. Quentin qui dit vous êtes géniaux, c'est possible d'avoir mon message de bienvenue, bisous à toute l'équipe. Oh espèce de connard. Bah voilà. Et Hugo Rayo qui dit Nasser le bouffon, la choupinette, lol, c'est son ex. Et alors je vous kiffe grave, continuez comme ça. Megumi qui dit moi je me fiche des loups boutins, le véritable plaisir aurait été de passer l'après-midi avec le beau Mickaël. Wow. Bah merci Megumi, enfin quelqu'un qui a du goût. Il y a Sheepers Baby qui dit moi je suis Gémeaux. Ah oui, alors les Gémeaux. Alors les Gémeaux. Ils sont troisième. Voilà, c'est normal. Les Gémeaux sont donc, parce que je rappelle qu'on nous sommes tombés sur ce truc de. L'horoscope du cul, en gros, l'absolu, c'est ça, ouais. Donc les Gémeaux sont fans de Quickie, leur devise c'est vite fait bien fait. Ah, sont-ils précoces a priori? Si votre partenaire est Gémeaux, il vous suffira de trouver un endroit où satisfaire son envie entre deux dossiers urgents. Plus vous le ferez, plus sa libido sera épanouie. Alors, prêt pour battre un nouveau record? Qui est Gémeaux? Non, bah personne n'est Gémeaux dans le studio, bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah les autres, allez-y, continuez à balancer vos messages, y a pas de problème. Il y a Quentin depuis l'application iPhone, là vous pouvez télécharger hein, Mickaël No Limit sur iPhone, c'est possible sur iTunes, vous la téléchargez, c'est gratuit. Qui dit n'oublie pas l'histoire de vide. C'est pas vide jeton comme un jeton pour jouer au poker, c'est vide je tombe. Je vous explique dans quelques minutes, rassurez-vous. C'est une chanson. Avant cela, comme on se demandait hier si les filles préféraient les hommes circoncis ou pas, eh ben on n'a pas vraiment réussi à trancher quoi. Bah non, on n'a pas réussi à savoir surtout. Voilà, donc je propose que tu appelles tes amis Tof pour leur poser la question hein. Bah avec plaisir. Bah voilà, on avait déjà appelé hier, on était tombé là-dessus. Oh espèce de connard. Bah espèce de gros connard même j'ai envie de dire. On était également tombé sur ces nouveaux amis là hein, qui étaient ma foi très sympathiques. Oh bande d'abrutis hein. Voilà c'est ça, donc on va appeler d'autres personnes là ce soir, des nouveaux hein. Bah oui, allons-y. Bah voilà, très bien. Donc si vous avez des numéros, n'hésitez pas comme d'habitude. Vous appelez, vous envoyez le numéro de téléphone de la personne qu'on pourrait éventuellement joindre sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On fait le premier là? Mais oui, allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va, on appelle. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme, elle préférait les hommes qui étaient circoncis ou pas. Ma femme, ça dépend de quel côté. C'est-à-dire? Si vous êtes circoncis le cul, peut-être, mais moi, en même temps, je sais pas, moi. D'accord. Bon, d'abord, la moindre des politesses, espèce de, je sais pas quoi, tu te présentes d'abord. Oui, je m'appelle Tof, monsieur. Tu t'appelles Tof, Tof quoi? Toi. Bah, Tof comme Tof, monsieur. Ah, bien sûr. Faute, Tof, à la mienne, ça fait faute, alors faute, moi, la paix, bonsoir. Il était poli. Ouais, bah, il était très poli. Il était très poli. Ouais, mais oui, poli n'est pas drôle. Mais pas drôle. On va le rappeler. Bon, il était sympa, mais il était pas drôle. C'est vrai, mais on va le rappeler. Allez, hop, c'est parti. On y retourne. Allez. Allô. Oui, non, parce que vous avez raccroché, monsieur, mais je crois que j'ai pas bien compris votre réponse. Dis-moi, tu vas un peu te faire enculer. Mais non, pourquoi vous voulez que j'aille me faire enculer, monsieur? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben rien, je veux juste savoir si, si votre femme... Ben, dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Ben rien, monsieur, c'est juste pour savoir, c'est une question. Une question, ben tu vois, ben, une question, tu te la mets où je pense, la question. Hein. Et vous pensez où, monsieur? C'est à qui tu parles, là? Non, je sais pas, monsieur. Je sais pas, le numéro, tu as pris où le numéro? Ah bon, au hasard. Au hasard, comme ça, alors, oui. Je sais pas, tu parles à un grand-père, à une grand-mère, à un vieux, un jeune, je sais pas qui tu parles. Non, je sais pas. Et tu oses poser des questions comme ça? Bah oui, y a rien de particulier. Y a rien de, franchement, n'importe quoi. Toi, tu es avec ta femme, tu es marié, toi? Non, moi je suis tout seul, monsieur. Ah, tu es tout seul? Ben, ça m'étonne pas. Bah oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Ben, ça va, allez, bonne nuit. Oui, mais pour alors le... Ah non, mais il a pas répondu nouveau, hein, ce con. Bon, on va l'appeler. J'ai rien dit, j'ai pas dit ce con, bien sûr, avec des Corses, voyons, oh là là. Mais alors que Toff, lui, continue à appeler chez les Corses, il est complètement con, lui, hein. Il vous hait. Bah, complètement. Allez, on rappelle. Ça ne décroche pas. Pourquoi tu mets pas ton numéro de téléphone? Non mais parce que en fait vous avez raccroché. Pourquoi tu mets pas ton numéro de téléphone quand tu appelles? Mais vous voulez mon numéro, monsieur? Oui, mets-le ton numéro, après je te rappelle juste pour voir un peu si c'est toi. Alors donc c'est le 01. Oui. Donc 01 42 48. Ouais, 01 42 48. 50 00. Ça va. Ça va? Mais pour votre femme, alors elle préfère ou pas? Elle préfère, bien sûr qu'elle préfère. Ah, elle préfère les circoncis, d'accord. Pas par toi. Non, non, ça d'accord, mais c'est juste dans l'absolu, monsieur. Non, dans l'absolu, non, dans l'absolu, il n'y a rien du tout dans l'absolu. Comment ça dans l'absolu? Elle me préfère, moi, moi je ne suis pas circoncis. Ah ben voilà, donc elle préfère les pas circoncis. D'accord, voilà. Ben je vous remercie, monsieur. Bon, on n'en sait pas plus, il a répondu, mais j'ai peur qu'il ait un peu répondu à la va-vite pour se débarrasser de toi. Je pense. Ouais, je pense également. Bon, c'est pas grave, on en fera d'autres tout à l'heure sans problème. Si vous avez des numéros de téléphone de personnes encore debout à cette heure-ci ou qui seront encore debout a priori jusqu'à 2h du mat, eh bien vous envoyez un mail directement à toph@funradio.fr. Il y a Trendlover qui dit « Le matin, je déjeune pas car je pense à vous. L'après-midi, je ne dîne pas car je pense à vous. La nuit, je ne dors pas car j'ai faim, putain. » C'est bon, ça. Ariel qui dit « T'es Mickaël, t'es tout seul, ça m'étonne pas, et encore on lui a pas parlé de la croix. » Ah oui, c'est tout ça. Ah oui, oui, oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et Andrew sur l'application iPhone, Mickaël No Limit qui dit « Ah, vous me faites trop marrer, Jouvia aussi, le pire surnom qu'on m'ait donné, c'est ma grand-mère qui m'appelait Zézette quand j'étais petite. » Oui, mais c'est surtout les pseudos quand vous êtes avec quelqu'un, hein. Pas grand-mère, grand-père, papa, maman, etc. C'est votre copain ou votre copine en fait. C'est ça qu'on veut savoir. Bon, on va récupérer Amandine pour la colle dans quelques minutes. Et avant ça, on va quand même récupérer Nasser. T'es toujours là, Nasser? Ouais, toujours là. Très bien. Alors, Nasser, donc toi, tu nous avais appelé parce que ta copine t'avait trompé avec ton cousin, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. Et au final, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question depuis le début. Je vais t'expliquer. Ah bah, explique-moi, voilà. Vas-y. Ah là, je vais t'expliquer, tout simplement. C'était une soirée, mon cousin est venu, il a réussi à la gérer, entre guillemets. Ouais. Et quand je l'ai su, eh ben moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vengé, c'est normal. Ouais. Donc, j'ai serré sa sœur. Mais attends, mais c'est ta cousine. Enfin, tu as nacéré sa sœur. Ah, la sœur de ta copine. Ah, tu nous as fait peur. D'accord, mais non, ok. C'est la même. Ah bah, on sait jamais. Non, bon, et puis et bon, j'ai envie de l'appeler pour lui dire que, voilà, c'est pas la sœur. Ah, tu veux lui dire? Voilà, je veux lui dire. Bien sûr, tu sais bien que les amis de nos amis sont nos amis. Ah, mais non. Mais bien sûr, évidemment, tu as frappé la bonne porte, sache-le, Nasser. Bon, comment elle s'appelle, elle? Samia. Samia, très bien. Alors ne bouge pas, on va faire ça dans quelques minutes, puisqu'il y a aussi le Je t'emmerde qu'on va faire dans quelques instants sur Fun Radio avec Thomas et Sylvie qui vont jouer avec nous. On va parler des dépenses avec Thierry et puis on va refaire un petit coup la colle avec notre amie Amandine. Est-ce que tu es là, Amandine? Oui. Très bien, refais péter la colle s'il te plaît. Je suis le fruit que le poisson déteste. Je suis le fruit que le poisson déteste. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. On proposait les fruits de mer, Amandine. Non. Non, les fruits de la passion. Non. La châtaigne. Non. Un citron. Non. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, hein, si vous voulez. Facebook.com/MIKL officiel. Vous verrez comme ça la colle sur le Facebook et vous allez pouvoir y répondre également en laissant votre commentaire. On te reprend dans quelques minutes, Amandine, puisqu'on donne la réponse avant minuit, ok? D'accord. À tout à l'heure, Amandine. Et je rappelle la colle, je suis un fruit que le poisson déteste. Petit jeu de mots, donc réfléchissez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Vous envoyez Mickaël espace la réponse et vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Retour avec Nasser dans quelques minutes. D'autres appels avec Toff et puis on va se faire un petit son de Jason Derulo. Allons-y. Allez, c'est parti. Jason Derulo qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Marry Me. Il y aura Tony Junior également avec Twerk on Time. Ce sera avant minuit sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h comme tous les soirs. 105 is the number that comes to my head. 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Jason Derulo sur Fun Radio, c'était Marry Me. Bienvenue si vous arrivez. Allez hop, on va se faire le Je t'emmerde dans quelques minutes. Je vous calerai aussi le son de Tony Junior avec Twerk on Them. Et je vous rappelle aussi qu'il y a l'application Mickaël No Limit hein, sur iPhone, iPad, iPod. Vous pouvez la télécharger gratos directement en allant sur iTunes. Vous tapez M-I-K-L No Limit et puis vous la téléchargerez comme ça gratuitement. Vous allez pouvoir envoyer des messages pendant l'émission. Vous pourrez suivre tout ce qui se passe, toute l'actu de l'émission. Pour écouter Fun en live, bien entendu, H24. Et vous pouvez pourrez même écouter les podcasts de l'émission. Voilà, si vous voulez, elle est gratuite, profitez-en. Il y a un message qui est arrivé aussi. Envoie la GoPro que je puisse filmer mes ébats dans... mes ébats dans Tof accroché à la croix. C'est Steven qui avait envoyé le message. Oui, d'accord, okay, très bien, pourquoi pas. Et Antoine aussi qui dit Tof, on dit pas circoncis, on dit casque allemand ou trompe d'éléphant. Voilà, très bien. Au moins comme ça c'est fait, hein, c'est dit. Et Cheapest Baby qui dit Mickaël, moi une gourmette en or à mon mec à 700€, il l'a perdu ce con. Folle. Non mais il l'a perdu, oui. Surtout, c'est ça le pire. C'est qu'il l'a perdu. Et alors il y a Ness qui dit j'espère recevoir une paire de chaussettes pour pouvoir l'échanger contre une Xbox One. Non mais Ness, c'est un exemple, la paire de chaussettes, c'est pas obligatoirement une paire de chaussettes pour la Xbox One. Hein. Parce que je rappelle que le 24 décembre, on sera en direct et que vous allez pouvoir échanger si vous avez reçu des cadeaux de merde. Mm-hmm. Pourrait les changer par exemple. Ou alors aussi ça marche aussi hein, si vous avez reçu, j'en sais rien, une PS4 et vous préférez une Xbox One, vous nous envoyez la PS4 et nous on vous enverra la Xbox One avec grand plaisir. Hein, si nous on peut rendre service. Ou si vous avez reçu une Xbox One et que vous voulez des chaussettes. Ou évidemment ça marche aussi dans ce sens-là, bien que je crains qu'on ait moins d'appels. Si vous avez reçu une croix et que vous voulez changer Croix, évidemment, Toff est totalement disponible afin de gérer la on croix. Faire sodomiser sur la croix. Oui, parce que je rappelle qu'il nous a annoncé ouvertement alors qu'on ne lui a rien demandé. Rien du tout. Exactement, ouais. Qu'il aimait se faire, il boit avec sa petite canette. Ouais, là. Comme une merde. Exactement, qu'il aimait se faire et qu'il avait déjà pratiqué à maintes reprises. La pénétration. Oui, non, c'est non, même pas ça. La c'est fait laser. Non. C'est le fait que de j'ai se pratiqué. Faire attacher, ouais. Attacher sur une croix dans une cave. En X. Une croix en X, c'est pas une croix catholique, bien sûr, tout en se faisant sodomiser. Sodomiser par. Pas rien, moi je me suis fait. Passagedésir.fr. Non, je me suis fait sucer. Par, c'est sponsorisé par. Non, c'était pas sponsorisé. C'était sponsorisé, Tof. Non, je crois qu'ils ont. Si, passagedésir.fr. Voilà. Oh là là là. Et donc, là tout là. Ça pour dire que si vous avez des croix, il y a deux ébénistes là pour l'instant qui ont promis de faire une croix pour Tof. Oui. Mais je crois que toute la confrérie des ébénistes de France veut me construire une croix. Les compagnons. Donc, voilà, les compagnons. Ouais. Devoir. Exactement. Exactement. Bon, il y a Magda aussi qui dit moi, je me suis jamais fait tromper ou alors je ne suis pas au courant, lol. Oui, mais c'est ça aussi. C'est qu'après, il faut encore être au courant, bien entendu. Et puis, on va récupérer Nasser. On va l'appeler la copine dans quelques minutes. Il y a Thierry qui voulait parler des dépenses et puis Thomas et Sylvie qui sont avec nous pour le je t'emmerde là. Salut Thomas, salut Sylvie. Salut. Comment salut. Ça va tous les deux? Ça va. Bon, bienvenue à vous. Bon alors Thomas, 19 ans de Paris, 29 ans pour Sylvie qui est l'appel de Plombières-les-Dijon. C'est ça. Charmant comme endroit. Mais ça a l'air magnifique. Ah bah oui. Oui, ça va. Ah bah, c'est bien. Non mais juste le nom Plombières-les-Dijon. C'est bien. D'accord. Rock and roll, c'est rock and roll, ouais. comme dirait notre ami Jean-Pierre Sauzère. T'as entendu le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère, Sylvie? Oui, oui, j'ai déjà entendu. Ah, la folie totale, non? Je suis un rock and roll man. Hey, Wack and Wallman, bien sûr. On devait l'avoir ce soir, malheureusement, il n'a pas pu venir. Oh, c'est une déception, le public est totalement déçu. Mais oui. Oh. Un drame. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des choses qui arrivent. C'est ça avec les stars, on ne peut jamais savoir. Ouais. Bon, Sylvie, Thomas, on va jouer au jeu du je t'emmerde. Le principe est on ne peut plus simple. On appelle des gens au hasard et bon, on ne sait pas sur qui on tombe. Hein. Bien entendu, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être un vieux, ça peut être un jeune, ça peut être n'importe qui, on ne sait pas. Le but, arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase la plus logique possible, d'accord? Donc pas arriver en appelant en disant je t'emmerde, bien entendu ça ne comptera pas, bien entendu, ok, ok, d'accord. Qui veut commencer? Honneur aux femmes, parfait. Thomas, tu commences, on y va. Thomas, yep. Si tu veux. Eh ben très bien, on y va, on fait le premier appel maintenant, ça se fera sur deux manches. Et Thomas, premier appel, c'est pour toi. Dès que tu n'entends plus la petite musique en dessous là, c'est que tu peux dire allô et ce sera donc à toi. Okay. Et je te souhaite bonne chance. Allez. Oui, allô, bonsoir. Allô. Parfait, il a raccroché. Oh ouais, zéro, Thomas. Bravo. Bon, allez, je suis pas l'enculé, on va bon, le rappeler. Thomas. Non, je suis pas l'enculé, on va te laisser une deuxième chance. Parce que là, pour le coup, il a même pas dit bonjour. Alors que moi, je l'aurais pas laissé. Je sais, mais t'es un enculé. On y retourne. Allô. Allô. Oui, bonsoir madame, je vous appelle parce que j'ai reçu un mail avec votre numéro dessus où dessus il y avait écrit je t'emmerde. Dans le même scénario. Sur tout le mail il y avait écrit je t'emmerde, donc ça commence à devenir insupportable. Allô. De quoi vous parlez? Qui êtes-vous? Oui, je vous appelle parce que j'ai reçu un mail de votre part dans lequel il y avait écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Et en bas de ce mail, il y avait écrit votre numéro. Donc recevoir des « Je t'emmerde » par-ci, « Je t'emmerde » par-là, mais enfin, c'est une blague? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, madame, ce n'est pas une blague. Vous m'appelez, il est presque minuit. Dans ce mail, il y a écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». C'est une blague? Mais bien sûr que non. Je suis on ne peut plus sérieux, madame. Dans mon mail, il y a écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Et ça, je l'ai reçu 3 fois, ce mail. Et je me trompe pas de personne. Votre numéro, il est écrit en bas de la page. Donc les « Je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là », j'en ai marre. Oui, j'en bien, j'en bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis pas au courant, je sais pas du tout de quoi vous me parlez, je ne sais même pas qui vous êtes. Donc, quelle est l'adresse du mail? Bah la vôtre, vu qu'il y a écrit votre numéro en bas. Donc, les « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, j'en ai marre ». Non mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, je sais pas d'où ça vient, je suis absolument pas au courant. Quelle est l'adresse mail? Mais pourquoi votre numéro est en bas de la page? Mais je ne sais rien, moi, qu'est-ce que je vous dis? Mais « Je t'emmerde par ci, je t'emmerde par là », c'est bien vous qui l'avez écrit, étant donné qu'il y a votre numéro. Ouais, bon. Sylvie, elle va avoir du mal. Ah bah oui, c'est moi, j'ai que ça à faire. Mais combien mon numéro, combien il est en page. Il faut croire « Je t'emmerde par ci, je t'emmerde par là », votre âge, je pense que ça ne va plus, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais écoutez, vous commencez à m'agacer. Je sais pas de quoi vous parlez, vous vous présentez même pas. Non, j'ai pas que ça à faire, non, c'est ah, pas mais je moi. Me suis présentée, madame, ça je m'appelle ça. Ça m'amuse pas du tout d'avoir des coups de fil à 23h38. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, je vous trouve très impoli, ça ne m'intéresse pas et je vous prie de ne plus m'appeler. Au revoir. Au revoir. Hop là. Bravo. Ah ouais. Quel connard. Ah bah oui, je me suis pas présenté, je m'appelle Toff. Ah oui, n'hésitez pas, hein, ah si ouais, ouais. Vous avez des problèmes à l'école, dites je m'appelle Toff. Oui, Toff. Et si vous voulez faire des canulars entre vous, comme ça vous dites voilà. Que vous êtes Toff de fin. Voilà, n'hésitez pas. C'est ça, j'ai pas encore assez de problèmes comme ça. Il roule en autolib. Voilà, donc si vous voulez, s'il y en a qui veulent le choper à la sortie de la radio, il roule en autolib, voilà. Bon, Sylvie. En blue car. Sylvie, ma chérie, la barre est très haute, hein. Oui. Est-ce que tu peux lever les yeux, là? Tu vois l'espèce de petite tache que tu vois absolument pas? D'accord. Et bah c'est la barre, voilà. D'accord. Bon, bah bonne chance, tu connais le principe, à ton tour, c'est parti. Oui, oui, oui. Allez hop, let's go, Sylvie. Quand t'es une fille, t'auras peut-être plus de chance, si tu tombes sur un mec en tout cas. Pleure. Allez. Allô? Allô? Oui. Et là c'est chaud. Oui, donc je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part, donc il y a marqué « Je t'emmerde ». Donc pourquoi il y a marqué « je t'emmerde, je t'emmerde » Attendez-vous. Je me demande si vous ne trompez pas de numéro, là, vous parlez avec qui? Non, du tout, parce qu'il y a marqué votre numéro, il y a marqué votre adresse et il y a marqué « Je vous emmerde, je t'emmerde ». Mais vous êtes qui? Je t'emmerde. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Bah, vous le savez très bien, parce que vous m'avez envoyé un courrier où il y a marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui a dû faire ça, parce que moi, je... Non, du tout, c'est votre écriture, il y a marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Vous me connaissez alors, dites-moi qui vous êtes. Il y a marqué votre adresse, où il y a marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Donc il faut peut-être arrêter, parce que moi j'en ai marre, il y a marqué tout le temps « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». J'ai absolument rien écrit, dites-moi qui vous êtes et je vais peut-être essayer de comprendre ce qui se passe, mais là je ne vois absolument pas. Et ils ont de la chatte ce soir. Dans le courrier, il y a tout le temps marqué votre adresse « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui... peut-être arrêter, hein. Écoutez, moi, je n'ai absolument que vous voyez qu'un courrier. Si, vous soir, savez, il y a marqué. Combien vous savez comment il faut marquer « Je t'emmerde ». Vous l'avez marqué 4 fois « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Elle va passer devant. C'est quelqu'un qui a mis mon adresse, qui a peut-être imité mon écriture, mais je ne sais pas. Qui vous êtes? Votre vote ne me dit rien. Mais écoutez, il y a marqué, vous savez très bien à qui vous avez marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde ». Égalité. Vous savez comment je m'appelle. Donc, vous savez à qui vous écrivez « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Faites juste l'hypothèse qu'éventuellement ce soit pas moi, dites-moi qui vous êtes. Bah, attendez, vous savez à qui vous... Tu sais très bien à qui t'as envoyé ce courrier où il y a marqué « Je t'emmerde ». Ça pourrait ne pas être moi, donc dites-moi qui vous êtes, peut-être que ça nous fera avancer. Si, si, ça peut être que vous. Il y a marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde ». Ouais, non, mais t'emballe pas, les 3 derniers, ils comptent pas, là, il avait raccroché. Maman, comme tu donnais pas la... Comme tu lui donnais pas l'info, il y a un moment, il s'est barré. Bon, pour l'instant, Sylvie, t'as démonté la tête, Thomas. Hein. Putain, c'est fou. Bon, on va faire la deuxième manche, on va faire la deuxième manche juste après la pub. Attention, la deuxième manche, vous ne pourrez plus utiliser le même scénario, là, hein, le coup du mail, là, ou du courrier, je compte sur vous. D'accord. Restez là, on fait la suite dans quelques minutes, et je vous cale aussi le son de Tony Junior. Ce sera Twerk Anthem sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck. Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Hop là, dans toute la France. Je rappelle que demain, ce sera. C'est vous qui allez prendre le contrôle de Fun, hein, toute la journée, avec le hashtag Moi Boss de Fun Radio dès 6h du mat. Si vous avez envie de lancer des défis, aux animateurs, même à l'équipe, même à Jérôme, le grand patron de la radio, c'est vous pouvez lui lancer un défi. Hein. Dites-lui, demain, je voudrais que tu mettes un morceau d'accordéon sur Fun. Pour foutre la merde. Voilà, bah vous mettez hashtag moi boss de Fun Radio et vous l'adressez à Jérôme, le boss de la radio, donc qui ne sera plus boss demain d'ailleurs, je t'en rappelle puisque c'est vous, voilà c'est ça. Et donc vous lui demandez de mettre un, je sais pas moi, un morceau d'accordéon, ça peut être sympa ça. Bon, je compte sur vous demain toute la journée, on y sera également hein, demain entre 23h et minuit sans problème. Bon, on va se refaire dans quelques minutes la colle sur Fun Radio. On va prendre le message aussi de Raphaël qui disait trop cool. Merci en tout cas Raphaël. Et puis on va s'écouter comme promis le son de Tony Junior. Je vous en parle depuis tout à l'heure, Tony Junior avec Twerk Anthem, ce sera ça. Voilà, je vous le cale dans quelques minutes. Le son de Tony Junior avec Twerk Anthem sur Fun Radio. Donc bougez pas de là. Et puis on va également se faire maintenant la suite et la fin du jeu du Je t'emmerde avec Thomas, avec Sylvie. Vous êtes là tous les deux? Oui, oui. Ouais. Très bien. Vous avez été très bon puisque Thomas a fait combien, Tof, de 26 et Sylvie 30. Pas mal. C'est fou ça. Bon, score à battre 30. On va continuer avec toi du coup, Thomas. Attention, puisque vous avez tous les deux utilisé le même système, on ne peut plus utiliser pour cette deuxième manche le coup de la lettre, du mail, etc. D'accord? Mais on peut être n'importe qui. Ah bah tu peux être qui tu veux, mon frère. Bah oui. Ah oui, oui, complètement, pas de problème. Tu ne peux pas utiliser le grand patron, notre Altesse Sérénissime, voilà. Jérôme. Et voilà. Mais Tof, ça me suffit, t'inquiète. Ah mais voilà. Tu peux utiliser Tof, tu peux utiliser la croix, tu peux tout utiliser. De toute façon, quoi qu'il arrive, je rappelle que Tof. Non, mais vous êtes une ordure. Exactement, tout est résumé comme ça. Tout est résumé comme ça. C'est même très clair. Bah, c'est même plus que clair. Bon, on y va, Thomas, t'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, on rappelle quelqu'un au hasard, il faut battre 30. Ah ben non, on va commencer par Sylvie plutôt, tiens, c'est mieux. Oui. On va commencer par Sylvie, parce que comme ça au moins il restera un petit peu de suspense. Parce que du coup, si Thomas fait moins de 30, bah il n'y a plus de suspense. Ouais. Bon, on y va, Sylvie, c'est parti, go. Oui, on appelle, dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô et tu commences. Bonne chance. Et on gardera le meilleur score des deux, évidemment. Je serai les soldes. Faire des yeux à la coque. Un bisou à la coque. C'est Gilou. Bon, ça décroche pas. Attends, je vais en appeler un autre. Hop là, bouge pas de là. On se rire, Polo. Ouais, dégueulasse. Je te sucerai le sang et tout. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, dis-moi, je t'appelle pour savoir pourquoi tu m'as marqué sur ma voiture, je t'emmerde. Il y en a marre, marqué 10 fois, je t'emmerde. Hop là, bien fait. Bien fait parce que t'as utilisé le même scénario et t'as raccroché au nez, bah tant pis pour toi. Parce que c'est vrai que c'était pas le mail mais t'as utilisé la voiture. Bon, c'est à peu près pareil, mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû être plus précis. C'est pas grave, ça on nous fait combien? On peut plus écrire je t'emmerde. Voilà. Même sur ta grand-mère, tu n'as pas envie d'écrire je t'emmerde. Donc ça nous fait combien? 2. Ah, 2. Oh là là. Arrête de me faire manger. Oh là là, c'est énorme. Bon, Sylvie, ça fait 2. On va quand même garder le meilleur, c'est-à-dire 30. Et Thomas, à toi de jouer maintenant, c'est parti, on y va? C'est parti. Allez, go. Je te sucerai le sang et tout. T'as pas les yeux à la coque? Il aime bien, non. Polo. Non, le stagiaire ne m'a pas déposé les yeux. Ah, stagiaire. Allô? Oui, allô, Tata? Comment? Oui, ça va? Je t'appelle parce que j'ai un gros problème là. Il y a ma copine à côté de moi qui me dit je t'emmerde. J'en peux plus. Comment je fais? Mais qui tu es, toi? Mais moi, je suis Toto. Ah bah je te trompe, jeune homme. Mais non, attends, raccroche pas, il y a ma copine qui me dit je t'emmerde, comment je fais? Elle me dit je t'emmerde. Mais non. Bingo. C'était beau, bravo. Pas mal, Thomas, pas mal. Bon point quand même pour, ouais, pour l'originalité. Ouais, pour l'originalité. Ce qui nous a fait combien alors? 9. Ah, 9. Ah bon, on va fêter ça. Écoute. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon bah écoute, Thomas, t'as belle originalité, mais dans l'absolu t'as été mauvais hein. Sur le deuxième appel, parce que le premier t'as quand même fait pas mal, à 26 c'était joli. Bon bah c'est perdu, c'est pas grave. Sylvie, on y croyait pas trop, mais tu repars quand même avec le casque focal alors hein. D'accord. Avec plaisir, gros bisous. Merci, merci, gros bisous à vous tous. Allez, je t'embrasse, salut à vous et on rejoue la semaine prochaine. Salut, salut, demain il y aura le canular également, un canular du jeudi. Si vous voulez tenter d'en faire un avec nous, il y a aussi des casques focales d'une valeur de 200 euros à gagner. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000. Il y a Ness qui voulait faire un petit point sur l'horoscope. Ça dit quoi pour les Capricornes? Alors, les Capricornes, puisque nous sommes tombés sur l'horoscope du cul, donc, alors Capricorne. Capricorne, voilà, les natifs du Capricorne n'ont jamais assez, ils ont une libido très affirmée et ont besoin de l'exprimer verbalement. Si votre partenaire est Capricorne, testez la fessée ou le dirty talk pour l'exciter. Qu'est-ce que le dirty? Ah si, ouais, dirty talk. Oui, non, mais oui, d'accord, okay. Connasse. Ah, mais un truc qui irait très très bien, Polo, ça. Mais j'insulte pas trop, moi j'aime bien mettre des fessées. Ah, t'as bien mettre des fessées, les cheveux, bien sûr. Mais je suis pas finir dans les cheveux. Finir, surtout, ah bah, surtout finir, non, c'est principal. Je m'essuie dans les cheveux. Mais est-ce que c'est aussi bon que sur le visage par rapport aux cheveux? Est-ce que ça peut être considéré comme un soin? C'est un soin, mais moi je préfère m'essuyer dans les cheveux. Ouais, c'est surtout en fait c'est pour enlever les résidus qui lui restaient sur les doigts. Ah oui, ça, oui, oui, bien sûr, merci, évidemment, toi. Évidemment. Je t'en prie. Évidemment. Voilà, fait le tour de toi. Le stagiaire, Dexter, le stagiaire. Le stagiaire. Allô. Oui. Oh, oh là là, il est lent. Qui est mauvais. Quel signe? Taureau. Eh ben tant mieux. Bon, et alors il y a Stéphanie, il y a Camille, deux filles qui sont passées nous voir. C'est quoi le, c'est quoi vous le signe, Camille? Taureau, pareil. Taureau. Poisson. Poisson. Bah, alors j'ai fait poisson. Ouais, on l'a fait pour. On a fait taureau. Taureau, non. Taureau, j'ai pas fait. Alors attends, taureau. Les natifs du taureau sont des êtres sensuels qui aiment prendre leur temps. Vrai ou pas? Ça dépend. Comment ça dépend? Oui, oui, oui, j'aime prendre. Bon, très bien. Et alors ensuite, si votre partenaire est taureau, testez une position où vous lui laissez le contrôle, le rythme de croisière. Ah. C'est lui qui mène la danse, qu'il s'agisse d'une valse à trois temps ou d'un rythme endiablé. Ah ouais, une valse à trois temps, ça donne envie. Hein. Oh. Ah oui, une valse. Ah, ouais, putain, un tango. Ouais. Ah ouais, un tango, c'est bien. Ouais. Bon, on fera également les cancers, tout à l'heure, on l'avait demandé. Il y aura les béliers, évidemment, je gardais le meilleur pour la fin. Lion, Vierge, tout ça, on fera tout à l'heure. Ne bougez pas de là, on va faire des appels avec Toff également. Et on va surtout récupérer Nasser. Nasser, t'es toujours là? Ouais, toujours. Bon, très bien. Alors, Nasser de Montélimar, qui nous avait appelé parce que sa copine a trompé avec son cousin. Et maintenant, il veut appeler la copine pour lui dire qu'en fait, il s'est tapé sa sœur. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais ce qui est drôle quand même dans l'affaire, c'est que t'en veux pas à ton cousin. Ah, j'en veux pas parce qu'il savait pas. Ah, il connaissait pas. D'accord, ok. D'accord. Ouais, okay. Ça sert à rien de lui en vouloir. Non, d'accord, alors d'accord. Bon, on va l'appeler maintenant. Et puis, je peux poser la question aussi, est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper ou est-ce que vous avez déjà trompé au hasard, Toff? Jamais. Moi, jamais. Je suis l'homme le plus fidèle de la Terre. Oh là là. Je n'ai jamais trompé personne. C'est vrai. Même pas moi-même. Espèce de menteur, sac à merde. Il se ment à lui-même. Tu dis? Arrête, qu'il s'est fait tromper, Toff. Ouais, c'est vrai. Oui, alors justement, tu fais bien d'en parler puisque volant. Alors attendez, parce que du coup où est-ce que je l'ai mis la chanson? Merde. C'est vrai que moi. Va me dire qu'on l'a perdu quand même la chanson. Oh. Ah oui, si si, non non, attends une seconde. Il était une fois. Il était une fois. Ah, merde. Vite tôt. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire dans le studio? Camille, Stéphanie, vous connaissez tous les deux l'histoire ou pas? Tu connais pas? Il faut dire oui ou non en fait. Ouais, laquelle? Bah l'histoire de Vite je tombe. Là où je ne vais pas. Non? Non, je crois pas. Bah parfait, alors je vais t'expliquer ainsi que tous les auditeurs qui n'étaient pas là. Et moi j'adore quand on l'a parce déjà qu'il expliqué. Va pleurer ce chien. Ah j'adore. Donc, le voir souffrir, salopard. Est-ce que tu la connais l'histoire Nasser ou pas toi? Non, je la connais pas. L'incertitude. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est alors dommage, on y va. Donc je la remets. C'est pour moi, c'est moi qui régale. Merci. Bah avec plaisir, voilà. Et donc l'histoire en fait est que fut un temps quand j'ai connu Toff en 1996, un truc comme ça, pas par là. Par là, ouais. Voilà, ils avaient 8 ans. C'est, non, bah pas 8, mais. Toff sortait pas loin. Des scouts. Hein. Oui, exactement, oui. Et c'est pas le problème, hein, c'est qu'en fait c'était un gars bien. Gentil, bah oui. Voilà, propre, donc, propre fidèle, pas de problème. Faire du feu et tout. Moi, j'avais pas encore une copine à l'époque, voilà, c'est pour ça que j'étais je lui, fidèle. Je lui présente une meuf. Ah, c'est ta faute tout ça. Mais non. Toujours, ah, il faut non. Savoir qu'il récupère toujours les déchets, nickel. Il prend les miettes, attends. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je lui présente une meuf, ça se passe bien, il sort avec pendant un an et demi, etc. La il folie. Était chou. Mais oui, voilà. Il l'appelait Namour. Ouais, ouais. Il l'appelait Namour, exactement. Cette salope. À l'époque, je savais pas. Et puis un jour, bon, la meuf le trompe. Ouais, ça arrive. Sauf que, salope. En fait, elle lui a fait ce qu'il fait aujourd'hui aux meufs. Donc, elle s'est foutue de sa gueule, etc. Et elle l'a quitté en lui offrant ce magnifique album. Qui était quand même une invitation à ce qu'il se jette par la fenêtre. Ouais. Voilà. Mais il a pas compris lui. Il l'a écouté. Et il l'a... Non parce que Mickaël le mec celle-là, mais dans l'album mais il y en a des pires. Moi je n'ai que celle-là. Il y en a des bien pires que celle-là. Spécialement fan de Patrick Bruel. Ah et ça dire. T'a marqué hein. Ah mais grave. Ouais, bah, je connais toutes les chansons par cœur. Pleure pas salope. Voilà. Et depuis en fait ce mec est devenu une merde. La merde aujourd'hui, c'est à cause d'elle plutôt, voilà, tu vois. Et par contre, elle est mariée et heureuse avec trois enfants. Ouais. N'ayons pas peur de le dire. Hein. C'est ça. Femme au foyer, elle ne travaille pas. Voilà. Oh bah tranquille. Ouais, ah non, elle a tout gagné. Alors que Toff a failli être banquier fut un temps. Hein. Mais c'est vrai en plus. Quoi? Oui. J'ai raté, merde. Non, j'ai dit Toff a failli être banquier. Tel papa, tel grand-papa, tel arrière-arrière-grand-papa. Non, avant il était médecin. Ah oui, enfin bon, très bien. Excusez-nous qui peut. Et après ils ont dérapé, ils ont fini dans la banque. Ouais, et puis après, bah, toi t'as plus dérapé. Alors lui, il a fini dans un tas de boue. Moi j'ai pris le virage, j'ai pris le fossé direct. C'est ça. C'est dur. Voilà, comme ça. Mais comme ça au moins vous avez une idée, l'histoire, vous savez comment Toff est devenu la crapule qu'il est aujourd'hui. Il m'a donné envie d'écouter l'album pour le coup. C'est vrai. Très bien. Bah comme quoi, c'est bien, Patrick te remerciera. Ouais. Bon, du coup, Nasser, on va donc appeler ta copine maintenant. Tu veux lui parler, je lui parle, on fait comment? Ah bah comme tu veux, franchement moi je m'en fous. Hein. Ah non mais bah après, non vas-y, mais moi. Je lui parle, moi, vas-y. Tu lui parles? Vas-y. Mais tu lui dis allô choupinette alors. Ah ouais, bah évidemment. Obligé, tu lui dis allô choupinette. Ça fait combien de temps que c'est fini? Ça fait 2-3 mois. 2-3 mois, d'accord, ok. Bon, écoute, on y va, on l'appelle et puis on verra bien comment ça se passe, hein, d'accord? Ok. Bon, allez, c'est parti. Il y a Ludwig aussi qui dit Gilou le kiff. J'en rigole encore. Bah oui, on avait passé hier le moment où on l'avait rencontré, le Gilou là. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de. Bah le je sais pas. Prends ton clitoris, on va jouer tous les deux la marelle. J'ai bien prendre ton clitoris. Ah, attention, parce que chez lui il y en a qu'un seul. Il met pas de pluriel, il y en a qu'un. Ah oui. Bon, allez, on y va. C'est parti, Nasser. On l'appelle. Là. Allez, vas-y. Allez. Bah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guides. Bah oui. En toute simplicité. Et sois pas méchant, Nasser, hein. Juste piquant. Ah, moi je suis pas méchant. Ça va alors. Je vais pas répondre à cette lettre. Bah, on dirait pas. Je te sucerais le sang et tout. Allô. Oui. Ouais, c'est qui là? C'est monsieur. Comment ça, c'est Samia? Y'a pas Samia avec toi? T'es qui toi d'abord? Tu m'appelles, tu me dis ce qu'il y a Samia. Bah, je suis ton ex, moi. Attends, t'es son ex, mais t'es qui son ex? Pour de vendre, tu le fais ou quoi? Bah attends, c'est qui le cousin? Tu vas voir, c'est le cousin. Bah je suis qui, moi je suis... Attends, pourquoi tu cherches à savoir t'es qui? Ah, parce que je veux bien savoir avec qui je parle. Eh, je suis le mec à Samia, alors il y a d'autres problèmes. Et tu t'appelles comment? Comment ça, je m'appelle comment? Pourquoi tu veux savoir t'es qui toi? J'ai envie de savoir. Salut, mais alors? Salut. C'est ma sœur là. Ouais. La putain de ta... Pourquoi tu m'appelles comme ça là? Mais non, t'es avec Samia? Nasser, lui la main pour dire bonjour. Avec elle. Et alors putain, Nasser, je te dis quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit putain d'enfant? Quand même, hein. Arrête, c'est d'accord. Parce que cousin, c'est de lui faire un coup, c'est pas qu'il répond. Mais arrête, tu le sais très bien que depuis que je suis venu au sud, on est ensemble, moi et ton ex, pour de bon, tu le sais. Oh l'enculé. Tu passes après moi, tu prends mes restes. Et comment ça, je prends tes restes? Elle voulait plus de toi, elle t'a jeté comme une vieille chaussette. Ah, on a pas eu cette version-là, nous, t'as changé, hein. Mais arrête, pas que j'allais tomber sur toi. Mais non, pour de bon, tu le fais, toi. Ah ouais, t'es ouf. Plus jamais comme ça, putain, d'enfant. Ah, t'es ouf. Mais putain, mais alors, là, pourquoi tu cherches? Pourquoi tu m'as... Pourquoi t'appelles? Elle veut plus toi. Franchement, t'as de la chance, c'est de la famille, hein. Eh Nasser, pas de famille. Nasser, c'est marrant parce que c'est pas la version que tu nous as donnée, hein. Mais hein? Arrête, putain, Nasser, arrête. Comment ça, c'est pas la version? Bah non, toi t'as dit, moi j'ai viré, je l'ai viré Samia, et puis lui nous dit, c'est elle qui t'a viré comme une merde. C'est pas pareil? Non, c'est moi qui l'ai viré. Ouais. Non, c'est pas vrai, mais c'est qui d'abord là? C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles toi, dis-moi, rappelle-moi? Putain, quoi, c'est une blague là, c'est mais pas non, possible. T'es en direct à la radio. Comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom? Moi je m'appelle Selim. Selim, voilà, Selim. Et donc, apparemment, comme Nasser le pantalon. Ouais, Nasser a dit Selim. Ah, Nasser a dit que c'est lui qui avait viré la meuf, qui avait viré Samia. Non, mais putain, Nasser, faut pas l'écouter. Nasser, il a un problème de mythomanie. Écoutez-moi, j'ai le droit à la parole ou pas? Ben bien sûr, t'as le droit à la parole. À un moment donné, on m'appelle et on est là, on m'accuse de choses que j'ai pas fait, quoi. Attends, personne t'a accusé, toi, que je sais pas. Ah non, mais toi, t'es pas coupable. Tu m'appelles, Nasser. Mais attends, mais je sais pas, il pète sa bouche pour elle, lui, commence à m'énerver, là. Écoute-moi, Nasser, tu Eh, c'est pas un poulailler, attends, hein. Attends, excuse-moi, t'as de la chance d'être abîmé par la vie, trou du cul. C'est moi qui t'ai abîmé. Mais qu'est-ce que tu me parles de trou du cul? Tu le connais bien, Allez, c'est parti, hein. Attendez, tu parles de quand tu lui faisais l'amour, hein. T'aimais bien quand tu mettais le doigt dans le cul, hein. Ça passait bien. Petit enfoiré que t'étais, t'aimais bien te prendre un doigt dans les pieds pendant que t'étais dans l'amour. Tu crois qu'elle me l'a jamais dit? Passage du désir.fr. Elle me l'a jamais dit, petit catin que t'es, la oublie pas que la petite cousine, elle habite en bas de chez moi, oublie pas ça. Mais putain, la sœur, jamais ta vie, jamais ta vie, putain, je voulais jamais te sortir ça, putain, arrête, arrête, et Christelle. Putain, Christelle, tu te rappelles de Christelle? La femme de 85 ans qui faisait le ménage chez moi est venue un jour te la serrer. Oublie pas quand tu venais dans le sud, tu disais ramène-moi des meufs, petite salope. Mais je te disais ramène-moi des meufs, mais putain arrête, attends, tu me regardes. Alors à votre avis ça va s'arrêter quoi là? Ça s'arrête pas si tu les laisses, c'est encore là la fin de l'émission. Tu ressembles à rien. Je suis beau, c'est pour ça que ta copine elle t'a largué comme une merde et elle est venue vers moi. Emma, cramé, t'es fou quoi. Non, non, écoute-moi la serre, écoute. Bon allez, faites la paix. Serrez-vous la main. Bon, faites-vous un bisou. Tu veux que je le dise? Tu veux que je le dise à tout le monde ou pas? Vas-y. Ouais. Tu veux que je le dise un peu ou pas? Dis-le. Ouais, dis-le. Eh bien, Fun Radio, on vous a bien eu. J'en sais. En même temps, on a bien rigolé, donc c'est le principe. Ouais. Hein, nouvelle, c'est bien. Voilà, c'est vrai que j'ai vraiment niqué un travelot, c'était Nasser. J'avoue. Non, mais vos homosexualités ne regardent que vous. C'est ça. Mais par contre, si jamais vous voulez tester sur une croix, Tof vous prête votre sac à main, il n'y a pas de problème. Juste pour info, quand il fait l'amour, il aime bien qu'on lui mette un doigt à l'arrière. Non, c'est pas grave. Les gars. Pour le doigt, voilà. Le doigt, il a raison, hein, ça augmente le plaisir. Attendez. Bon, allez, vas-y. Allez, petite dédicace déjà à Salim qui est à côté de moi, premièrement. Je lui fais un gros bisou à ce petit con. Ouais. Et de deux, ce travelot. Ma sœur, c'est ta choupinette ou pas, Salim? D'accord, c'est pas grave, une grosse dédicace. C'est mon choupinou, Salim. Très bien. Et là, je fais une petite dédicace à tous mes collègues du foot, Redouane, Brahim, Adil du Mirage. On va, je vous repasse Sandro au standard, en plus elle est célibataire, allez-y les mecs, hein, pour vivre. Chauffez-la. Attends, je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Franchement Sandro, je t'aime. Non mais c'est mon cœur qui te parle là Sandro, c'est pas... Ouais je te vois, t'as bah, je vais te mettre un doigt dans le cul là, serre-moi. Non c'est son cœur qui parle, pas le doigt dans son cul. Voilà c'est ça ouais. Bon je vous la repasse de toute façon, salut Nasser, salut Saïm. Allez ciao. Bisous. Allez à bientôt. Oh là là. Ils sont pas mal, mais il faut quand même savoir qu'il y en a deux qui est un travelo. Ouais. Et qui aime bien se mettre un doigt dans le fion. Ouais. Et non mais ça, c'est bon, vous devriez essayer. Oh putain mais il est pas possible celui-là. C'est pas possible. Sur une croix. Non, parce que j'essaie de te mettre une croix dans le fion, quoi. Entière. Non, j'ai pas essayé, mais par contre, quand elle te suce sur la croix et qu'elle te met un petit doigt, alors là. Oh là, mais tiens, je pensais que rien ne pouvait rentrer par derrière sur la croix. Mais non, mais c'est pas pareil, c'est un doigt. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais vous êtes une ordure. Oh, espèce de connard. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais vous êtes une ordure. Le son de Tony Junior à l'instant sur Fun Radio avec Twerk Anthem. On vous cale le son de la flûte de New World Sound à suivre. Il y aura aussi le son de Pharrell Williams. Ah oh, ça va changer. On va chiller. Ah ouais, on va être chillé, ouais. Voilà, je vous cale ça tout à l'heure sur Fun Radio. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, eh bien hashtag et Mickaël sur Twitter. Vous balancez tous vos messages, il y en a plein d'ailleurs hein, ce soir. Megumi qui dit Tof, dis pas que t'aimes les doigts après l'histoire de la cave, va empirer. Moi je dis ça, je dis rien. Non mais on peut pas empirer, il a parlé de doigts alors qu'il se fait enculer par un god. Genre il y a un moment. Et tout ce que vous ne savez pas. Arrête. Et tout ce qu'on sait que vous ne savez pas. Ouais, et tout ce qu'on ne sait pas, et qui sait. Et qui sait, qui ne sait pas. Mais justement, c'est un fardeau, j'ai du mal parfois le matin en me levant. C'est ça, y a, oui, bah oui, forcément, à force de. Enfin bon. Il y a Kevin, c'est qui dit bonsoir les amis. Elle a quel âge, Sandro? Moi je la trouve super jolie. 25. Voilà, exactement. Ouais. 25 à peu près. Elle a encore ses boutons d'acné de son adolescence. Elodie qui dit franchement, là les deux mecs, juste super. Il y a Linda qui dit pété de rire, Nasser de Montélimar. Il y a, Jean-Pascal qui dit trop rigolo les cousins, je suis mort de rire. Et encore Megumi qui dit après on dit que les filles parlent trop. Pire qu'une bouteille de vodka, ils m'ont saoulé sérieux. Et So aussi qui dit la musique de Rocky en fond, c'est épique. Merci pour la crise de rire. Et Delphine également qui dit j'adore le conflit. Oui, il était sympathique le conflit à l'instant là. Dédé aussi, ça va être un règlement de compte dans la famille en direct. Et Julien qui dit baston entre cousins. Guénès qui dit ah, c'est beau la famille. Et Daoud Douida qui dit Tof ne doit pas être triste, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Je t'imagine bien seul, t'es quoi, seul sur un banc triste en écoutant du Bruel avec ton plastic bag. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'il a fait. C'est, ouais, c'est sur un banc. Ouais, grosso modo. C'est le résumé de ma vie en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ce qu'il a fait en effet. Bon, écoutez, pour faire plaisir à tout le monde. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque? Le retour de notre ami Gilou, bien entendu. Et il aura quand même fallu 3 mois, notre stagiaire, pour le faire, celui-là. Je te sucerai le sang et tout. Bah oui, évidemment. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? On va récupérer Thierry là pour les dépenses. Et puis on va se faire la colle également là avec Amandine. Alors du coup, Amandine, on a pris un peu de retard là. Comme j'ai zappé un coup de colle, on va se le refaire vite fait maintenant et on donne la réponse dans 5 minutes. D'accord, Amandine? Amandine? Oui. D'accord? Oui. Bon, après, c'est pas comme si t'avais le choix, mais bon. Vas-y, Amandine. Alors, fais péter la colle. Je suis le fruit que le poisson déteste. Je suis le fruit que le poisson déteste. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël. Il vous reste 5 minutes. Hein. Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou alors, au 63-22 pour la Belgique. On proposait le rouge. Non. Le rouge, c'est pas la bonne réponse. C'est normal. En même temps, il y a Simon qui proposait le citron pour la réponse à la colle. Non. Non plus. Bon, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Venez nous rejoindre également d'ailleurs. Hein. Facebook.com/Mickaël officiel. On joue ensemble dans moins de 5 minutes. C'est-à-dire qu'il vous reste 5 minutes pour donner la réponse. Si personne ne trouve la bonne réponse, Amandine, c'est toi qui gagne la GoPro Hero 3. C'est la Silver Edition qu'on offre toute cette semaine. Et puis, bah, si quelqu'un a la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, c'est lui qui gagne et toi tu perds. D'accord? D'accord. Bon, à tout de suite, Amandine. Tout de suite. À tout de suite. Et on va encore faire un petit appel avec Tof maintenant là. Mais allons-y. Allez, allez, c'est parti. On y va. Je rappelle qu'on est toujours sur le coup sur la circoncision. Oui, bah, voilà. Savoir si les filles préfèrent circoncis ou pas. Si les filles préfèrent circoncis ou pas. Donc on appelle depuis tout à l'heure hein, avec les numéros que vous nous avez envoyés directement sur le mail de Tof. C'est sur toph@funradio.fr. Exactement. On y va, l'appel. Allons-y. Allez, c'est parti. Juste après, promis Thierry, on prend. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préférez les hommes circoncis ou pas. Non, mais qui vous êtes, là? Moi, je suis Tof, madame. Vous êtes Tof. Ah, d'accord. En fait, je passe à la radio, c'est ça, le truc? Oui. Non. Non, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Attendez, je vous passe ma soeur, elle vous dit ce qu'elle en pense, hein. D'accord. Tof. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Et donc, je voulais savoir, en fait, si vous préférez les hommes circoncis ou pas. Les hommes circoncis, on s'en bat les couilles, quoi. Si, ah bah, oui. Bah oui, mais bon... C'est quoi? Vas-y, non, c'est une blague. Bon, c'est bon, on n'a pas que ça à faire, hein. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Ah bah écoutez, c'est un peu indiscret, ça. Bah non, vous me dites juste si vous préférez avec ou sans la peau, enfin, c'est... Ouais, mais... C'est un peu comme... À quoi ça va vous avancer? Vous faites de l'audimat avec ça. Non, mais c'est parce que moi, je me pose la question, est-ce que je me fais circoncire ou pas? Et donc, je voulais savoir si les filles, elles préféraient avec ou sans. Écoutez, nous, on est en Corse, donc... Hein, c'est comme, vous voyez, c'est comme le kebab, c'est avec ou sans les frites. Voilà, tout à fait, on n'est pas trop kebab chez nous. D'accord, mais est-ce que vous êtes avec ou sans les frites? Non, mais on n'est pas kebab du tout, même. D'accord, mais voilà. Avec ou sans la peau, alors? Bon allez, bonne soirée. Hein. D'accord, mais pour la peau alors? Eh ben, c'est vous qui voyez. Hein. Oui, allez. Mais vous préférez avec ou sans? Ah, ça vous regarde pas. Oui, mais bon, on va faire autrement. Hein. Est-ce que vous... Attendez, hein, je vous passe ma sœur. Oui. Allô? Oui, allô. Donc, oui. Je voulais savoir si vous étiez plutôt circoncis ou pas circoncis. Non, non, pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, vous préférez quand il reste la peau. Voilà. Ah, ben voilà. Ben, merci beaucoup, madame. Ouais. Et moi, je dis un dernier mot, tu baignes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire suivant, on passe à autre chose. D'accord. Et ben... Et ben, on vous souhaite une bonne soirée, alors. Ouais, bonne soirée. Il n'y a pas une retransmission de ton émission, quoi. Non, non, non, c'est... Faut pas... Bon, dommage. Voilà. On aurait bien aimé s'écouter, hein. Bah, je comprends, mais non, on diffuse qu'une fois. Bon, ça va. Bon, ben, bonne soirée. Ouais. Et j'espère que votre émission marchera encore. Eh ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Là, on était vraiment dans une faille spatio-temporelle. Ah oui, je sais pas où on est allé, mais on y est allé. Allez bien. Ah oui, là, on y est bien allé, effectivement. Bon, bah, très bien. On appellera d'autres personnes encore tout à l'heure, rassurez-vous. On va prendre Thierry. J'avais dit que je l'avais promis. On va le reprendre avec les cadeaux les plus importants que vous avez eu l'occasion de faire à votre copain ou votre copine pour Noël. Combien ça a coûté, justement? On va se faire aussi les teubés de la télé. Et puis, on va prendre Juliane également avec nous, là. Bonsoir, Juliane. Salut l'équipe. Comment ça va, Juliane? Bah, toujours aussi bien, hein. Bon, ben, on t'avait eu hier au téléphone. Tu voulais appeler ta meuf que tu n'as jamais vue, qui habite en Guadeloupe, et tu voulais la quitter parce que elle a envoyé plus de cœurs à une autre copine sur Facebook qu'à toi, c'est ça? Non, mais c'est fait. C'est fait quoi? Tu l'as virée? Ah bah ouais. Ah bah alors attends, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Ne bouge pas de là, Juliane. C'était le gros dossier d'hier soir, le très très gros dossier d'hier soir. On va revenir aussi sur l'horoscope dans quelques minutes. Et à Jean-Pascal qui dit: je suis content de commencer à bosser de très tôt juste pour écouter ma radio préférée, c'est fun. Un coucou de l'île de la Réunion, bisous à tous et surtout à Sandro. Ah bah salut JP. Patricia également qui dit Toff est un couillon, il a toujours dit qu'il voulait se faire enculer. C'est juste qu'il voulait pas se faire sucer. Voilà. T'assureras de dire ça à l'antenne. C'est pas du tout ce qu'il a écrit, quoi. Voilà, le message est passé. Non, c'est vrai. Ça, ouais. Polo, c'est ça. C'est vrai, c'est le bon message. Exactement. Stéphanie, c'est le bon message. Oui, bien sûr. Voilà, Camille, c'est le bon message. Oui, j'approuve. Sandro, c'est le bon message. Ah, t'as pas besoin de me demander. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est le bon message. Je l'ai sous les yeux, moi, donc. Ouais, ah, bon, bah, très bien. Voilà, c'est d'ailleurs lui qui me l'a copié-collé, c'est pour vous dire. Ah, bah, bon, oui, et DJ Coma qui dit: ma mère t'écoute pour la première fois, elle voudrait un message de bienvenue. Bah, écoute, avec c'est grand pas plaisir. Une bonne idée de faire mais si. Non, mais vous êtes une ordure. Voilà, madame. Minuit 15 sur Fun, restez là, je vous cale, comme promis, le son de la flûte dans quelques minutes avec New World Sound sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Et on est en direct, le retour sur Fun Radio avec la réponse à la colle d'Amandine. Ce sera juste après le son de New World Sound avec The Flute. Le retour de Juliana, on aura Thierry pour les dépenses. On fera d'autres appels encore avec Toff d'ici quelques minutes. On aura les teubés de la télé. Et puis un message également qui est arrivé de Let's Be Freaks qui dit: oui, tout ce que nous savons et que la plupart de nos fidèles ne savent pas. Ah oui, c'est par rapport à Toff tout à l'heure. Et Mystique qui dit: mon surnom c'est Bichette, j'ai horreur de ça. Katia qui dit: c'est quoi Mickaël, l'horoscope sexe des scorpions? En général les scorpions, ça c'est comment ça marche? Alors je veux bien savoir. T'inquiète pas Katia, je vais lire ça dans quelques minutes, ne bouge pas de là. Dites-nous aussi quels ont été les pires pseudos que vous avez eu l'occasion d'utiliser pour votre copain ou votre copine. Comment est-ce que vous l'avez appelé? Toff, c'est Namour. Oui, c'est le pire, j'ai jamais fait pire que Namour. Ah voilà, donc tu as honte? Non, j'ai pas honte, c'était mignon à l'époque. De pouvoir appeler quelqu'un d'amour. Oui, d'accord, ok. Aujourd'hui, très bien. Je n'appelle plus personne. Bah oui. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Bon, je les paye maintenant. Ouais, alors que tu l'appelles comme ça, ça aurait été vachement mieux là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'arrêt du cul, d'accord, mon gars. Bah voilà. Va t'en faire enculer, Denis, connard. Oui, c'est vrai, il a bien terminé. Allez, minuit 18 sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs de 23h à 2h. Et attention, on sera en direct également de 20h à très tard, le 24 décembre, la soirée du réveillon. On sera avec vous en direct. Le son de New World Sound sur Fun, c'était The Flute. Et puis restez là aussi, puisque dans quelques minutes, on va chiller avec le son de Pharrell Williams. Voilà, ce sera Happy. Et pendant cela, Sandro, le décrocher le standard, elle danse. Eh ouais. Elle danse, on dirait un Playmobil, tu sais, qui danse avec les mains en forme de U comme ça là. Ouais, complètement. Voilà, Happy de Pharrell Williams, ça va débarrer dans quelques minutes. Et puis on va donner la réponse également à la colle avec Amandine. Toujours l'Amandine. Oui. Très bien, allez c'est parti, on se fait la colle maintenant. Amandine, 16 ans de Haute-Marne, je suis un fruit que le poisson déteste, c'est bien ça? Oui. Très bien. Alors, on y va. On appelle maintenant quelqu'un qui s'inscrit par SMS ou via le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis, bah, on va voir, Amandine, comment ça va se passer. Hein. D'accord. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, si elle a la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, Amandine. On y va, on appelle, c'est parti. Allez, et en plus t'as de la chance, hein. En plus on appelle tard, moins il y a de chance que la personne décroche, donc... Jusque là, tout va bien, Amandine. Troisième, ça va encore un peu mieux. Encore mieux, Amandine. Toujours mieux, Amandine. Bonjour, ah, vous êtes à la oh ligne orange. Attends. D'accord, Jessie. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut Jessie, c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Fun Radio, on t'appelait pour la colle avec Amandine et Amandine qui va donc te répéter la colle. Amandine, vas-y. Je suis le fruit que le poisson déteste. Voilà, alors Jessie, est-ce que tu as la réponse? Malheureusement, la réponse est mauvaise. Amandine, ah bravo là là, oh bravo. J'en connais qui va râler demain. Bon, bah ouais, Jessie, il fallait décrocher, mec, hein. Ou fille, enfin, je sais pas très bien, parce que c'est vrai que sur la voix, c'est pas très clair non plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, on t'avait appelé, si tu avais donné la bonne réponse à l'antenne, eh bien, tu aurais gagné la GoPro Hero 3 Silver Edition d'une valeur de 350€, et elle te passe sous le nez, c'est bien dommage. Et comme c'est ton répondeur, on ne peut même pas te filer un pack fun, donc c'est dommage. Amandine ? Oui ? Eh ben, tu peux remercier Jessie de ne pas avoir décroché, hein ? Oui. Eh ben voilà, tu peux dire merci Jessie, et tu sais quoi ? Va te faire enculer. Vas-y. Merci Jessie, elle va te faire enculer. Voilà, oh, c'est mignon. Voilà, y a pas de soucis. Ouais. Bon, et arrête d'être grossière, Amandine. C'est honteux. J'appelle ta mère. Bon, salut à toi Jessie, puis tu rejoues quand tu veux. Et puis bah Amandine, bravo à toi là, c'est parti. Merci. C'est gagné aussi. La GoPro pour toi. Tu vas pouvoir aussi recevoir bah, Qui casse 2, c'est puisqu'on offre la GoPro toute la semaine à l'occasion de la sortie du film Qui casse 2 en DVD. Salut, salut. D'accord. Gros bisous Amandine, à bientôt. Et bah voilà comme quoi on peut gagner également quand on pose la colle. C'est vrai qu'on gagne souvent, enfin, quand on pose la colle et ceux qui gagnent en posant la colle, c'est surtout parce que ça n'a pas décroché. Ouais. C'est rare qu'on trouve pas la bonne réponse, mais quand même. Il y a Lydie qui dit, s'il te plaît, Mickaël, est-ce que tu peux dire pour les Sagittaires ? Ah oui, c'est vrai qu'on était sur l'horoscope avec les Sagittaires. Les Sagittaires. Le Sagittaire est le plus spontané d'entre tous. Si votre partenaire est Sagittaire, vous devrez vous plier à ses envies mêlant sexe et aventure, répondant à des pulsions, à des besoins. Vous devrez apprendre à ne pas vous poser la question et à suivre les yeux bandés votre partenaire dans ses envies. Attention, ce genre de relation peut être fatigante à la longue. Nous allons lire les balances dans quelques minutes et j'ai très très peur parce que c'est le signe de Tof. C'est le meilleur signe. Vous êtes une salope, oui. Vous allez vous faire accrocher à une croix. Bon, attends, on va prendre également Thierry, t'es là Thierry ? Oui, là. Salut la famille. Ça salut, va bien Thierry ? Salut Thierry. Dis-moi, salut, Thierry. Thierry, t'es de quel signe ? Scorpion. Scorpion, ouais. Ah, bon, on vient de le faire Scorpion, non ? Bah, ah, ouais. Oui, ah non, c'est Sagittaire. Non, Scorpion l'a pas fait. Non, Scorpion non. L'a pas fait. Tu veux connaître ton signe de cul ? Ah bah un peu, je veux. Eh bah évidemment, il veut, mon neveu. Crois, là. Bon, alors le comportement sexuel des natifs du Scorpion en dit long sur leur humeur du moment. Bon, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Si votre partenaire est Scorpion, les rapports sexuels sont extrêmement importants. Ils permettent de communiquer avec l'être aimé. Ils sont vécus comme des moments uniques de partage. Oh. Cependant, faites attention aux sautes d'humeur qui pourraient gâcher ces instants à deux sous la couette. Tiens, j'aurais plutôt vu Polo là en saute d'humeur. Dans la baise ? Non, ouais. Moi je suis. Non mais tu sais, tout d'un coup comme ça, tu te commences à t'énerver. Pour, ouais, tu m'emmerdes. Voilà, non, oui, exactement. Non, exactement. Polo, ouais. Polo est un mercenaire de la bite. Oh, ouais, c'est vrai. Oh, si je vous racontais toutes mes. Ah, vas-y, raconte au moins une. Non. Allez, une. Préfère pas. Et je pense que nous préférons pas non plus. Non, je vous ai raconté là, l'Amazon. La position Amazon, je déteste ça. Une fois, j'ai poussé la meuf comme ça. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai dit, bah, je supporte. Oh, dégage, je supporte pas. Alors, il aime pas quand la meuf est sur lui, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, parce qu'il a peur d'être dominé. Ça me fait mal au membre. Le membre a mal. Est-ce que le membre se sent écrasé. Est-ce que Polo adore également ? On en avait parlé quand on avait été à Londres ou à Prague, je sais plus, avec Toff et Polo, justement. C'est qu'il adore le cuny. Ah, je. Oh ! Oh là, mon Dieu ! Oh non ! Oh, non, Marc. Le problème avec ça, c'est que je vais attraper de l'herpès. Parce que Polo a des problèmes, il est allergique à la moule. crustacé. Et dès que si jamais j'approche ma bouche d'une chatte, hein, appelons une chatte. Oui, mais bien sûr. Et alors, si la moule n'est pas fraîche, alors. Je vais attraper des boutons partout, toute ma bouche va être infectée. Donc, je préfère éviter, ouais. Mais c'est pour elle que je suis sensible. Pour qui? Pour la fille? Pour les filles. Non, c'est pour moi. Pour avoir des boutons. Non, mais sérieux, tout s'infecte là. Voilà. Du coup, il y met les doigts. Alors juste que tu pourrais mettre, deux, trois doigts. Alors que tu pourrais mettre une capote sur féminine. La bouche. C'est comme ça, tu la mets. Non, c'est-à-dire que à choisir, je préfère encore l'espèce de, tu sais, la digue dentaire là que la capote. La digue dentaire. Que la capote féminine quoi. Ah ouais. La capote féminine, t'as vraiment, c'est vraiment un sac en plastique quoi. Qui a déjà utilisé dites-moi les filles si vous avez déjà utilisé une capote féminine. Vous avez déjà utilisé ou pas les filles? Moi non. Non, Camille non. Moi non. Stéphanie non plus. Non plus. Dexter le stagiaire. Bon, il a jamais vu une capote. Il est encore vierge. Est-ce que t'as déjà mis un doigt dans le cul à Jean-Pierre Sauzère? Non mais est-ce que t'as déjà couché avec une fille ou avec un homme? Oui, pourquoi? Mais non mais je demande, est-ce que t'as déjà utilisé une capote féminine? Non. C'est la honte, mec, tout le monde a déjà utilisé ça. Oh là là. Mais c'est vrai. Non, il faut savoir, le stagiaire a fait l'amour une fois, donc c'est déjà beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous. Pas mal. Bon, et en plus, c'était du sextarifé payé par ses potes. Oh, le pauvre. Mais non, c'est un beau gosse, le stagiaire. Bon, Thierry. Oui. T'as déjà utilisé une capote féminine? Non. Non, bon d'accord, bah finalement personne. Hein. Donc dites-nous si vous avez déjà utilisé là, appelez-moi. En fait. Appelez-moi maintenant, ben c'est normal. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Jean-Pascal qui a encore envoyé un message. Venez faire une émission dans l'île de la Réunion et surtout qu'il fait 35 degrés au soleil. Eh ben tu sais quoi? Va te faire enculer. Non mais bien sûr, on aimerait bien venir JP là, mais si tu mets-toi tes noix de coco dans le cul. Non, si tu nous invites, nous on vient. Hein? Où ça? Bah à l'île de la Réunion, faire une émission en direct pour une semaine avant, on serait bien. C'est un sacrifice. Mais nous plierons pour vous. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a déjà été à Nancy, on a déjà été à Montpellier, on viendra vous voir aussi à Toulouse, à Marseille, à là Londres. En janvier on va encore bouger aussi. Et puis il y a un moment, rassurez-vous, il n'y a pas de raison, je tiens à le dire d'ailleurs à Jérôme, le boss de la radio, Son Altesse. Tous les auditeurs sont identiques. Pour nous. Voilà. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tout le monde est identique. Noir, jaune, beurre, peu importe, on s'en fout. Gros, les auditeurs qui sont à la Réunion doivent aussi avoir notre visite. Et je trouve qu'il est important de démarrer par là. Ouais. Cette nouvelle année, vers janvier, février, quand il fait dégueulasse. Et moi, j'ai envie de dire, demain, c'est moi, boss de Fun Radio. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Oui, te mettre une croix dans le cul. C'est pas à ça que je pensais. Ah, c'est dommage. Bon, alors du coup, Thierry, toi tu voulais parler des dépenses. Qu'est-ce que t'as déjà dépensé comme somme exorbitante pour ta copine ou ta femme? Ah bah attends, ça on va y venir. Par contre, il faut que je te raconte un truc, c'est excellent. Dis-moi. Je viens de passer devant une aire de repos qui était fermée, qui était en travaux. Ils ont barré le panneau avec deux croix rouges. Oui. Et en dessous, c'est marqué la croix à teuf. Non. Ça prend une ampleur. Non, mais t'es sérieux? Je te jure. Eh, fais une photo, Ah, il faut que je repasse par là. Ah, repasse par là. Eh, repasse par là. Alors, si tu passes par là et que t'arrives à me faire la photo, je t'offre un cadeau, mec. Donc, ça vaut le coup de faire le détour. Je fais des lignes régulières, donc je vais y repasser. C'est bon, ça. Je vais prendre l'arrêt d'urgence, je prends la photo. Voilà. Et fais attention quand même, tu fais pas écraser. Lançons un mouvement. Ah oui, la croix, des croix de teuf partout. Exactement. Allez, française. Et vous mettez un mec qui se fait enfoncer un dos dans le. Enfin, ce sera teuf. Je vais créer un nouveau style de bar. Non, super. Il y aura pas de fauteuil, il y aura que des croix. Génial. De quoi tu dis? Teuf, il a pas d'écharpe en fait. Non. Non, parce que la croix avait été bien poncée. Les écharpes, c'est des petits morceaux de bois. Hein, ouais, c'est ça. Pas des écharpes, parce qu'il y en a peut-être qui auront peut-être mal compris. Donc, c'est des écharpes, c'est des petits morceaux de bois. Tu sais, quand tu bouges sur un morceau de bois, et tac, t'as un petit morceau qui rentre dans sous la peau, quoi. Bon, alors, du coup, tu voulais nous dire quoi, toi, par rapport, aux dépenses? J'ai carrément craqué, moi. Ah, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? J'étais marié pendant 27 ans, donc divorcé maintenant. Et tous les amis autour de moi, ils étaient sans ans. Arrêt. C'est beau. Mariage, oui. Oh putain, c'est magnifique. Ah c'est beau. Moi, je rêve de et ça. Et comment ça s'est fini? Ah, ça s'est fini tout bêtement. Elle a voulu reprendre un petit peu sa vie toute seule. Et moi, j'étais sur la route un peu trop longtemps, peut-être. Ah ouais. Non, mais vous êtes une ordure. Bah oui. Et donc, du coup, il l'a mis au congélateur et maintenant, il la disperse aux quatre coins de la France. Voilà. Bon, et donc, du coup, 27 ans et puis ça s'est fini. Et donc, mes amis autour de moi me disaient toujours pense à toi maintenant. Alors, le week-end dernier, j'ai craqué. Je me suis fait un cadeau pour Noël de 10 000 euros. Waouh, c'est quoi? Je me suis acheté une voiture. Ah, bah sympa, oui. T'as acheté quoi comme voiture? Et une Autolib, j'ai pris l'abonnement 10 ans. Non, on oublie les ordinateurs portables dedans, c'est pas bon ça. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Stoff a oublié son ordinateur hier dans son atelier. Enfin, avant-hier en l'occurrence. Bon, et donc, du coup, tu t'es acheté une caisse. Bah, ça va, tranquille. Bah, en même temps, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Oui, on sait toujours pas ce qu'il a acheté comme voiture. Oui, mais j'ai eu des remords. J'ai eu des remords derrière. Pourquoi ? Bon, du coup, j'ai pris une semaine de vacances et j'emmène ma fille et mon ex-femme au ski la semaine prochaine. Voilà. Attends. T'es un ouf, toi. Donc tu t'es acheté une caisse, jusque-là tout va bien. Ouais, on l'a noté. Voilà. Toff, tu notes ? Et je note. Ouais, par contre, on sait toujours pas ce que c'est comme voiture. Ouais, mais on s'en fout. Une 607. Une 607 ? Oui. D'accord. Et mais attends, une voiture, tu as pris tu vas emmener ton ex au ski ? Avec pour emmener ma fille, oui, je suis obligé d'emmener l'ex, hein. C'est comment ça, t'es obligé, tu peux pas emmener ta fille tout seul ? Non, ça se dessoupe pas, non, c'est pas simple. C'est pas simple ces affaires-là, tu sais. Et je pense que t'en fumes là pour le coup, à mon avis, hein. Non mais il a raison, peu, c'est la petite, c'est pour la petite. Je comprends, j'ai une fille moi aussi. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bien comme ça, la petite elle aura ses deux parents pour Mais vous allez réussir à vous entendre ou ça va être la guerre ? Ah non, on s'entend. De là ce qu'ils arrivent à se parler, c'est autre chose, mais ils s'entendent. Non mais alors d'accord, mais c'est cool, c'est bien. Et notre cadeau à nous, c'est quoi ? Comme t'as l'air d'être généreux là. La semaine de vacances au ski, c'est une semaine de travail en moins, c'est oui, oui. Beaucoup de dépenses. Oui, mais je crois que t'as pas compris ma question. Non, il a pas compris. Le cadeau pour nous. Enfin, pour moi, parce qu'au final. Pardon ? Le cadeau pour nous, pour moi. Pour moi. Ah oh bah la photo de la croix sur le panneau de l'entrée, ça va être oui, génial. Ça, oui, non, oui. Ça va être quand même quelque chose qui est sur le mur, il faut mettre ça sur le Facebook. Oui, sur Facebook. Très bien, oui Jean-Pierre. Eh bah écoute, pas de problème, mais dès que tu l'as, tu me l'envoies direct et je la mets direct. Il n'y a pas de souci. Bon bah super. C'est sûr que ce sera fait. Eh bah je compte sur toi. Merci à toi Thierry. J'ai plus les moyens de m'acheter les préservatifs, alors il va falloir que je passe par Sandro pour un petit... Mais bien sûr, t'inquiète pas, on va t'envoyer ça, il n'y a pas de problème. Salut Thierry. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, ciao à toi Thierry. Retour avec Laurent dans quelques minutes par rapport aux circoncis. Il y a également John. Ah, nous avons John avec nous. John, t'es là ? Ouais, je suis là. Bon, John qui nous avait envoyé un message parce que tu as déjà testé la capote féminine. Ce truc tellement sexe, tellement sexy. Ah oui, oh là là. Ah bah oui, ça c'est... Oui. Mais comment tu as testé ce sac plastique ? Parce que c'est ça, hein ? Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est en fait... avec ma femme pour justement, histoire de dire comme mon radio, on avait... Attends, est-ce que tu as ton téléphone dans la bouche, là ? Ouais, il est greffé. Il l'a dans le cul, mais il parle avec les fesses. Est-ce que t'as un kit main libre ou un haut-parleur ? Non, j'ai le téléphone à la main, mais je suis en train de conduire. Ou dans le nez, tu l'as dans le nez, là. Il est sur la route, c'est pour ça. Là, je suis arrêté. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est vrai, j'ai utilisé avec ma femme pour pas mourir con. Ouais. Pour pas mourir con, j'ai utilisé la capote féminine avec ma femme et puis franchement, c'est horrible. Quoi. Ah, mais c'est t'as l'impression de nager dans un sac, quoi. Mais c'est un peu ça, le concept. Mais alors, en fait, techniquement, pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble, c'est l'espèce de sac plastique que tu mets et après tu rentres dans le sac. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que t'as un grand anneau que tu mets genre... Attention, mesdames et messieurs, le spécialiste vient d'arriver comme d'habitude. Donc t'as une espèce de gros anneau que tu mets dans, à hauteur du vagin qui couvre le cuto, machin. C'est aussi gros que ça, t'as fini en train de contrôler la taille d'un ballon de football. Ça fait genre 10 cm. Bah là, c'est balle de tennis, quoi. Ouais, voilà. La balle de tennis, ça fait genre 10 cm et après t'en as un. T'as dû flotter dedans, toi, non ? Mais non, parce que ça c'est autour du vagin. Et après t'en as un plus petit que tu dois rentrer dans le vagin. Donc d'accord. Faut déjà que la meuf elle soit un peu excitée, sinon ça rentre pas. D'accord. Et après, ouais, ça t'as du mal. Tu rentres avec quoi ? Parce qu'il faut le rentrer le truc, non ? Avec un tournevis. Avec ton doigt, t'as pas le choix. Tu prends un tournevis, tu prends une passe coupante et puis tu commences à faire les travaux. Donc tu pousses le deuxième anneau dans le fond et une fois qu'il est dans le fond. Et après t'as plus envie. Ouais. C'est ça, ouais. Généralement c'est ça, ouais. Et donc après normalement t'essayes d'enfourner ta bite. Oui, t'offre le boulanger. T'as cru que c'était une baguette ou quoi ? T'allais faire le pain ou... Bah franchement, vu la gueule du truc, faut essayer de mettre un peu de poésie. Quoi. Alors c'est quoi la différence avec une capote ? Parce qu'au final, c'est le même principe, mais c'est la composition qui change. Ah oui, d'accord, ok, juste pour ça, ouais. Donc la sensation est différente pour le mec aussi. D'accord. Toff, j'ai une question puisque il peut temps mort. Et Toff, toi qui as tout essayé, est-ce que t'as déjà mangé de la merde ? Oh, tu viens ? Alors, je peux raconter une histoire si tu veux. Les scouts. Exactement. Faut la remettre celle-là, Mike. Non, mais il a tout essayé, ce mec il est parti. Il s'est fait accrocher sur. Non, je suis là. Il s'est fait accrocher sur une croix, les gars. Vous rendez pas compte de la. Non, alors il faut que j'explique, j'ai pas mangé de la merde. C'est pas. T'emballes pas non plus. Mais. T'as bouffé du fion quand même. Non, t'es un bouffeur de fion, ça se voit. Oui, j'ai déjà léché un cul. Ouais, l'anulingus, c'est autre chose. Stop. Ça suffit. Tu peux nous mettre les scouts ce soir, Mike. Ouais, mais donc je voulais raconter parce que c'est l'histoire de scouts. Donc en fait, pour tous ceux qui ont fait les scouts, ils savent qu'il y a la totémisation. Tu dois être une espèce de. C'est comme un bizutage, quoi. Tu dois faire des trucs un peu spé. Et donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils m'ont préparé une merde. Donc, ils disent ça. Non mais donc sauf que c'était pas un truc que t'as chié, c'est des en fait c'est plein de trucs comestibles qu'ils ont mélangé. Ah non. Qu'ils ont mélangé et donc dans la pénombre t'avais vraiment l'impression que c'était une merde de chien, tu sais, enroulé avec le petit bout dessus quoi. Mm-hmm. Et donc bravo Polo. Et donc le truc c'est que j'ai lâché la bête. Pendant tout le temps où tu te dis il va falloir que je bouffe ça, tu te dis c'est une vraie merde que tu vas manger. Ah oui. Et en final quand tu goûtes en fait c'est bon, c'est c'était du spéculoos avec je sais pas quoi à dire, c'était du sperme donc c'était bon tu vois, ça va. Non mais non, c'était du spéculoos qu'ils avaient tu vois qu'ils avaient mélangé de l'eau pour essayer de faire ressembler une merde. Mais oui, moi aussi c'est bon, c'était du sperme alors voilà quoi. Mais jusqu'à la fin j'ai cru que j'allais devoir bouffer de la merde. Arrête de le lancer là-dessus. Oui, arrête de le lancer là-dessus. Mais non, c'est pas ça le pire, c'est qu'il allait le faire. Bah oui, il allait le faire. Il a mangé. Et puis après, alors pour ceux qui étaient pas là, notamment John, il y avait effectivement l'histoire de pause caca dans le scout. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les c'est scouts. C'est offert, hein, c'est caviar. Mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. D'accord. Ah, bon. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que bah il y a pas de toilette. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol oh et qui là est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les exactement mouches. Exactement. Avec les mouches oh et merde, tout là. Pas que c'est ça. Et donc finalement au bout d'un moment bah, fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je chie dans mon fut et comme je voulais pas le dire machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde là, elle m'a saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche elle m'a saoulé là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent celui qui a été le meilleur. Ah putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc, dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui vient me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec Marty Christophe. Et donc ouais mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est un mon fils. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé. Oh là. Maman je t'aime. Voilà, véridique tout ça. Tout ça est vrai. Ah ouais, tout ça est vrai hein, John. T'as fait les scouts aussi toi ou pas? Non, j'ai pas fait les scouts. Ah bon, très bien. Mais par contre par rapport aux capotes, j'ai déjà essayé avec des capotes masculines de mettre sur la tête souvent au jour de l'an, tout ça, des conneries comme ça. Tu essaies de mettre des capotes sur la tête? Ouais, tu vas suivre le monsieur en blanc qui va venir te chercher, il est très gentil, il va te mettre les mains derrière le dos, tu vas voir. Par contre, j'ai pas essayé avec les capotes féminines et à mon avis ça doit être plus facile à faire avec des capotes féminines. Non parce que je crois que ça ne gonfle pas en fait les capotes féminines. Et puis surtout imagine tu restes coincé dedans, t'étouffes, t'as l'air bien bête quand même. Hein. Parce que en termes, tu sais bon, après évidemment mourir est toujours triste, etc. Voilà. Mais à un moment ou à l'autre, tu vois, c'est-à-dire que imagine t'as quand même tout le truc au cimetière, etc. Ouais. Tu sais, bon, il est décédé, je sais pas moi, bon malade, accident, etc. Non, sur le mec est mort parce que. Oui sur une croix. Le mec est mort parce qu'il met une capote sur la tête. Tu vois, il y a un moment, pense aussi à ça quoi. Bon bah merci en tout cas John d'être passé, tu reviens quand tu veux hein. Ok, bonne soirée. Bon allez, courage. Bonne soirée. Oh, t'inquiète, on en a pas besoin jusqu'à 2h. On est bien. Il y aura Laurent aussi qui a parlé de circoncision. Julienne, avec l'histoire de sa meuf en Guadeloupe qu'elle voulait virer. Visiblement, elle l'a virée. On va en parler dans quelques minutes. Et il y a Tom également. Non, Ludismegoslin qui dit plié en deux. Mon Dieu, j'en pleure, c'est horrible. Tom qui est tough et les scouts, ça nous fera toujours rire. Il l'a raconté trop bien, excellent. Et Laurent qui dit aussi salut, moi je vous invite à faire l'émission à La Réunion dans ma boulangerie. Oh, bah, alors là, top, c'est. Là, enfin, moi, je connais une qui revient pas. Ah, bah là, c'est sûr. Hein. Elle reviendra pas parce que l'excédent de poids dans l'avion, à mon avis. Hein. Allez, restez sur Fun, on va revenir dans quelques minutes. Ce sera avec le son de Pharrell Williams avec Happy. C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun avec le son de Asie tout à l'heure avec Born Again. Il y aura Pharrell Williams, bien sûr, qu'on va vous mettre dans quelques minutes. Ce sera Happy. Et puis, il y a un message de Daoud Douida qui dit Tof, t'es mon héros. Le prince Nadia qui dit il n'y a que Tof qui peut vivre des histoires pareilles. Il y a Ludo qui dit aussi bouffer le cul d'une fille. On appelle ça une rose des champs. Oh, c'est mignon. Ouais. Magda également qui dit ça donne vraiment pas envie d'essayer la capote féminine. Delphine aussi, pété de rire, vous me faites rire, bande de fous. Et Paul également qui dit je vais faire une croix de Tof sur le portail de mon voisin, il me fait trop chier ce mec. Oui, quand vous avez des problèmes de voisinage, mettez une croix. Hein, vous mettez là, ce sera la croix de Tof. C'est un peu comme Anonymous. Ouais, c'est ça, ouais. Ce sera la croix de Tof. Voilà. Allez, restez sur Fun, il est minuit 43, on va faire deux appels encore dans quelques minutes avec Tof justement. Et puis on va parler aussi de relations longue distance avec Juliane justement, puisque ça a pas bien marché avec elle, puisqu'elle avait une meuf en Guadeloupe qu'elle avait envie de virer, puisque un, elle ne l'a pas vue, et de deux, elle veut la virer parce que moi je trouve que c'est vrai, en plus elle a raison. Il y a un moment, ça se fait pas. Quand ouais. T'es avec quelqu'un, tu ne peux pas te permettre que cette autre personne mette des cœurs à une autre personne. Trois cœurs en plus à une autre personne, ouais. Moi je trouve ça limite. C'est scandaleux. C'est ça même se fait scandaleux pas. Effectivement. Tu peux coucher avec une autre avec une autre personne, mais pas ça. Pharrell Williams avec Happy à l'instant sur Fun Radio, minuit 48, on est en direct jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Il y a Eva qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur iTunes, enfin sur son iPhone, iPod ou iPad, hein, mais qu'elle a téléchargé depuis iTunes. Moi j'ai déjà testé une capote féminine. C'est très merdique, tu sens rien et ça gêne aussi bien l'homme que la femme et tu l'enfiles avec tes doigts. Sympa. Coucou Mickaël, franchement vous déchirez, est-ce que tu peux nous passer un petit coup de ta mère elle suce des nains? Oui. Alors, comment s'appelait-il encore celui-là? C'est même pas ta mère, c'est ta grand-mère, je crois, non? Ouais, je crois, ouais. Votre grand-mère, elle suce des nains, c'est je ça, crois. Ouais, c'est ça. Attends, mais il faut que tu lui. Mon Tof comble en attendant, là. Bien sûr. Mais on a une vulgarothèque tellement. Ouais, tellement grande. Hein. J'en ai 180 des sons maintenant comme ça. Tu vas te faire tâter l'arrêt du cul, d'accord, mon gars? Voilà. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, c'était à tête quand ça ça fait un moment déjà. Ouais, je sais bien, mais. Ah, j'ai peut-être celui-là, attends, je vais vérifier. Écoute, pas de faire enculé. Ah non, c'est pas celui-là. Tu l'entends ou pas ça? Oui, mais c'est pas ça. Attends. Pas de faire enculé. Non, c'est pas ça non plus. Votre grand-mère, elle suce des nains. Alors, attends. Essaye un nain. Ouais, bah peut-être un nain, alors attends. Ouais, si le stagiaire, il y aurait eu nain, grand-mère, ou tu vois, suce. Ah bah non, là. Attends. Ta mère, elle nous suce les pitots de culé, quoi, tu es. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, attends, je continue à chercher. La vulgarothèque la plus fournie du monde. Complètement. Alors, attends, peut-être ça, non? Et t'as touché la chatte à ta mère, qui est de l'oreille? Ah bah non, c'est pas celui-là, non. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il faut que je le retrouve, là. Maintenant que tu l'as demandé, il faut absolument que je le retrouve, sinon ça va me faire passer une soirée de merde. Alors, heureusement, nous avons notre plus grand stagiaire du monde qui est en train de chercher, là, il est en train de faire le tour du monde là, pour essayer de retrouver. Oh, le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front, au PD que tu alors, es. Alors que pourtant ça. La phrase était simple, ta grand-mère elle suce des nains. Ouais. Ah attention mesdames et messieurs. Et il l'a appelé comment, juste pour rire? Suce nain. Ah quand même, ça va. Grand-mère elle suce des nains. Ah bravo. Voilà, putain. Eh ben, c'est vrai qu'il est classé 5. Enfin il est pas classé, mais il a été mis sur le numéro 53. On est quand même à 180 depuis, donc putain. On en a fait quelques-uns. Tof il s'est fait défoncer plusieurs fois. Et toi t'es enculé, ben. Ah bah ben, complètement. DJ Coma qui dit Si j'avais DJ Kodak, les si n'aiment pas les raies. Si j'avais des enfants, le premier je l'appellerais Toff et le deuxième ce sera Gilou. Ah bah c'est une bonne idée. Ah, Let's bah be oui. Freaks qui ils dit sont, moi, ils vous, bien dans la vie. Je vous propose une émission en réunion à Nice. Oui mais enfin en même temps à Nice on passera. Hein. Le prince Nida qui dit je suis balance donc d'après Polo je suis une salope qui aime me faire prendre sur une croix. Toutes les balances ne se ressemblent pas. Arrêtez d'écouter tout ce que je dis. Il y a Ludy aussi qui dit j'attends toujours cancer, je me sens frustré. Ah bah oui Ludy, attends une seconde, on va te mettre les cancers. C'est en numéro 4. Les natifs du cancer sont des êtres indécis et qui manquent de confiance en eux, notamment dans le domaine sexuel. Wow. Si votre partenaire est cancer. Qui est cancer, dis. Personne. Personne. Si votre partenaire est cancer. Parce qu'il y a Stéphanie qui est passée nous voir, tu sais, qui fait signe de la tête, c'est genre ouais. Ah oui, oui, effectivement, oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc si votre partenaire est cancer, vous devez le laisser décider dans le feu de l'action de ce qu'il veut. Vous ne devez pas prendre toutes les décisions en les forçant à se manifester ainsi. Ils parviendront à avoir confiance en eux et à cibler ce qui les excite. Donc ça ne sert à rien, quoi. Non. Celui-là, il ne sert à rien. Mmh. Très bien. Je crois qu'on n'a pas encore fait Lion, on n'a pas fait Vierge. Si mes souvenirs sont bons. Non, on n'a pas fait Bélier, mais ça je le garde pour la fin, ce sont les meilleurs. C'est normal, c'est normal. Et on n'a pas fait, je crois qu'on a fait le tour après. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être Verseau également qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas fait Verseau. Voilà, on n'a pas encore fait Verseau, on va le faire, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Il y aura Hardwell à suivre avec Asie aussi pour Born Again. Et puis avant de reprendre Juliane, Laurent pour les circoncis, Joris également pour la capote féminine, on va se faire un petit appel, ça fait longtemps là. Allez, c'est parti, on y va. Je rappelle que on vérifie si les gens préfèrent circoncis ou pas circoncis. Exactement. Voilà. Juste question de confort. C'est une c'est une question de pas forcément de choix. Hein. Il y en a qui sont circoncis, ils n'ont rien demandé à personne. Hein. C'est vrai. Bon, on y va, on appelle. Allons-y. Allez, c'est parti. On leur demande depuis tout à l'heure grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Je vous écoute. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si votre femme préférait les hommes circoncis ou pas. Je t'emmerde. Ah bah c'est très bien. Ah bah oui. Oui, je propose qu'on le rappelle. Simple et efficace. Bah oui, totalement, c'est droit au but hein. Oui, mais c'est un peu rapide, je trouve. C'est vrai, on va le rappeler. Allô ? Cause toujours enculé. Et pourquoi vous le prenez comme ça, monsieur ? On le rappelle encore un coup hein. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça va être maintenant ? Fils de pute. Oui monsieur, faut pas le prendre comme ça. Ah non. C'est la musique d'attente. Ouais mais c'est peut-être pire encore hein. C'est peut-être pire. Bon on en fera d'autres tout à l'heure hein. Bah oui, je suis déçu là un peu. Avant 2h, on appelle encore, il n'y a pas de problème. Le gros connard va te faire enculer. Voilà. Juliane avec nous également de Nice là. Juliane. Oui. Oui. Bon Juliane, toi tu nous avais appelé hier parce que t'étais en couple avec une meuf que tu n'avais jamais vue, qui habitait en Guadeloupe, que tu avais prévu de voir en décembre, mais 2014. Hein, c'est pas là bien. Maintenant là, c'est l'année prochaine. Du coup, bah t'en as eu marre parce que bah c'est loin forcément, mais surtout, elle t'a fait quand même le pire poignard qu'on puisse faire. Ouais. À quelqu'un, c'est qu'elle a quand même mis 3 cœurs en plus à une autre meuf que toi sur Facebook. Ouais. C'est ça. Voilà. Non, mais en plus, c'est vrai, c'était mon intuition féminine, elle m'a vraiment trompée en fait. Non. Mais elle te l'a avoué ou elle a dit je vais lui dire comme ça, elle me lâche la droite. Ah non, elle m'a appelé, elle m'a fait ouais, bon, tu sais, je t'aime, mais il faut que je t'avoue un truc, je te trompe. Là, je me suis énervée. Bien sûr, t'es tombée des nues après une histoire aussi longue. Sur du lit. Tu ne t'y attendais pas, quoi. Ah non, pas du tout. Hein, une si belle histoire en plus. Mais bien sûr, une si belle histoire. Vous vous étiez rencontrés comment ? Par un site. Hein. Oh, c'est beau, ouf. C'est tellement beau. C'est magnifique. Ah, oh, c'était. J'ai traité de tous les noms, je lui ai dit. Mais oui, mais t'as raison, on te laisse pas faire. Je lui ai fait, mais vas-y, mais alors ça veut dire, mais va la lécher, ta connasse. Elle fait, bah oui, c'est déjà fait. Ah ! Eh ben dans ce cas, ben moi, je vais aller entraîner ma langue. Allez, ciao, et j'ai raccroché. Putain, ah quel ouais, rebelle. Ouais, et puis en plus, on sent l'appel violent, quoi. Putain, franchement, je suis déçu que tu l'aies fait sans passer par nous. Ouais. Parce que je pense qu'on aurait pu être number one là, juste en une seule émission. Ouais. Ouais, mais bon. Ah bah oui. Enfin bon. T'as pensé à faire un livre avec tout ça ? Oui. Ton histoire, ta vie, ta bataille ? Ou une série ? Ouais. Je sais pas comment faire 3 chapitres avec 3 cœurs, justement. Et là, tu mets juste un statut sur Facebook. Tu enlèves en couple, tu mets. Tu vas voir que Single. Tu vas avoir plein de com. Ouais, tu peux faire ça, hein. Ouais, parce que tu sais qu'il y a une grande étude américaine qui est sortie qui dit qu'apparemment les couples qui ont des relations longue distance ont des relations plus épanouies. Et la distance apporterait plus d'intimité, de dialogue et de complicité. Donc venez nous dire si c'est vrai. Donc moi à ta place. Eh ben c'est pas vrai. Mais justement, moi à ta place, j'essaierai de la récupérer. Bon, moi j'essaierai de dialoguer avec elle. Je pense que c'est important pour resserrer votre couple. Franchement, ouais. Parce que après si longtemps, c'est dommage, quoi. Voilà. Je veux dire de briser un couple, de briser autant d'amour. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des relations longue distance? Me parlez pas de 30 km, hein, des vraies relations longue distance. Hein. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Polo, relation? Longue distance? Non, j'ai et laissé relations des relations. Il a laissé des femmes à gauche ou à droite. À gauche, mais je les ai jamais recontactées. Il s'est jamais recontacté, d'accord. Non, mais je les ai, encore sur Facebook, mais il y en a une qui est au Japon. Enfin, c'est pas mes meufs, mais il y en a une qui est au Japon. C'est pas des meufs. Mais si, mais en fait, elles font leur chichi et tout quand elles sont devant moi. Et quand elles partent à l'étranger, elles me recontactent pour essayer que. Sauf que t'as plus envie. Toi, tu niques tout de suite ou tu niques pas? Ah ouais, moi je nique tout de suite. Polo, c'est tout de suite ou jamais. Voilà, c'est la promotion du moment et après c'est terminé, quoi. C'est ce que j'ai dit à Stéphanie Nitt tout à l'heure. Voilà, il fallait profiter de la promotion du moment. C'est ce soir ou jamais. Voilà. Et elle veut pas. It's now or never. C'est terminé. Voilà, d'accord, ok. Non, mais t'as bien résumé. Tof, relation longue distance. Oui, vite je tombe et elle est vite tombée avec un autre. Donc comme quoi ça marche pas très bien. C'est vrai, Stéphanie, relation longue distance. Non, jamais. Jamais. Camille, relation longue distance. Pas vraiment en relation. Non. Ouais, de temps en temps, il me vient de mettre un coup, mais c'est attends, fait, quoi. Mais c'est ça. Comment ça, pas vraiment en relation? Non, mais à partir du moment où je suis partie, il n'y a plus d'histoire, quoi. Mais quand je reviens, pourquoi pas? Ouais. Ah, non, bah bien, bravo. C'est pas mal. C'est... Quand d'accord. Je m'en vais, je me fais troncher. Non, quand je reviens, tu peux me troncher. Non, mais parce que ça sert à rien. Enfin, je... Non, mais oui, je suis d'accord, c'est vrai. Au-delà de 40 cm, après, il n'y a plus moyen de la sentir. N'importe quoi, toi. Merci. Bon, très bien. Et Sandro? Sandro! Relation longue distance, t'as déjà essayé? Non. Jamais? Non, mais je suis attends. Ton mère, tu le dis par contre, n'hésite pas. Attends. T'as jamais mangé un petit Suisse? Eh, tu veux manger des bonbons, quoi? Oui, pourquoi? Tu veux un sneaker? Pourquoi? Bon, relation longue distance. Non, j'ai jamais fait. Même les trucs de site et tout, je fais pas. J'ai des copines qui le font, hein. Ouais. Mais je sais pas, je vais peut-être me lancer sur les sites de rencontres, on va voir. D'accord, oui, bah essaye là-dessus, ouais, c'est une belle carrière. Essaye de te lancer là-dessus pour voir, ça peut être bien. Bon, Julienne, bah merci d'être passée, alors du coup, hein. Ah, je peux dire un truc? Non. D'accord. Bon, voilà. Ça, bah écoute, comme ça au moins c'est meilleur des clairs. Non mais vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je voulais donner un surnom à Tof. Ah, alors vas-y, j'ai peur. Ah, moi j'en ai un. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Oh, tu veux. Je voulais dire je n'ai rien maintenant. Contre Maryse, évidemment, si jamais elle a entendu, ce n'est pas du tout contre elle. La Maryse étant la mère de toi. Mais ça va, Dieu merci, à cette heure-là, elle dort. Ah bah alors très bien. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Vas-y, c'est quoi le surnom que tu voulais Parce que moi, j'en ai un autre aussi. Hein. Allô, faire une culée, gros pédé. Oui, vas-y. Je voulais l'appeler le roi de la crotte sèche. Oh, c'est pas terrible. Ouais, le roi de la crotte sèche, mais c'est-à-dire? Bah, après ce que j'ai entendu. Par rapport à son caleçon. Oui. Ah, d'accord, je croyais que tu parlais des crottes de nez. Ah, il y a ça aussi. Non. Parce que t'as pas vérifié ça. Parce que Polo a déjà eu du oh, vécu. Mais c'est une ordure. C'est le gros avantage de l'autolib, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient nettoyer le volant tous les jours. Oh, et que du coup parfois il accroche un cadre en partie, il dit ah, j'ai déjà eu celle-là. Quel connard. Oui, il aime bien les mettre dans sa voiture. Oh là, mais quel j'aime bien les coller sur le derrière du volant, ouais, c'est vrai. Oh là là, mais c'est vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Une fois sur mon bras. Hein. Oh. Ah oui. Eh, franchement, je lui mets une patate, ça arrive. Bah, je lui mets ce une qu'on patate. L'a fait, on s'est vengé après. Hein. Je lui mets une patate. Sur mon bras, il a mis ce bâtard. Oh là là, l'horreur. Bon, ben bah, merci en tout cas, Juliane. Je te fais des bisous. Hein. Un pack, s'il vous plaît. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Un pack de crottes de nez, je te l'envoie. Salut, à bientôt. Ciao à toi. Bon, et puis les autres, si vous voulez, si vous avez jamais vécu des relations longue distance, appelez-moi maintenant, là. Comme Cédric, qu'on va prendre dans quelques minutes. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il est 1h du mat et il y a Laurent avec nous maintenant. D'Ille-et-Vilaine. Salut Laurent. Salut. Comment ça va? Ça va. Tranquille, en forme? Ouais, ça va, en forme. Sûr, hein? Ouais. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, toi, tu voulais parler des circoncis? Oui, voilà. Bon, alors du coup, parce qu'on appelle depuis tout à l'heure pour voir si les femmes préfèrent les circoncis, les mecs circoncis ou pas. Et bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses pour l'instant, j'aime bien admettre. On n'en a pas eu, je pense. Ouais, on n'en a pas eu du tout, en fait. Hein. Donc ça tombe bien que t'appelles, justement. Laurent, toi, quel est ton avis à ce propos? Bah, moi, pour l'instant, j'en sais rien, mais c'est assez douloureux, en fait, l'opération en soi-même. Comment ça, tu... Donc, tu t'es fait enlever la peau? Ouais, ça y est, ouais. Mais pourquoi? Moi c'était pas par c'est pas mal, mais c'était parce que j'étais obligé parce que. Ah t'arrivais pas à décaloter? Tu avais un phimosis. Ah oui, c'était trop serré. Ouais. Ah oui, bah oui. Bah oui, pour le coup t'as pas moi, le choix. Moi je croyais c'était un dieu, mais en fait non. Non, c'est pas ça. Mais oui. Et ça fait mal alors? Bah ouais, du coup ouais. Sur le coup on sent rien parce qu'on est endormi entièrement, mais après quand on se réveille, ouais, ça fait mal. Ah et là ça fait mal là en ce moment là? Ouais. Ok, alors, et ça fait quoi ça quand genre ça pince, ça fait quoi le... Ça fait comme si on s'était coupé en fait. Oh là là, attends, je serre les jambes. Comme si ça avait, on avait. Non, c'est pas. Mais en fait, ouais, c'est comme quand tu te pètes le frein. En fait, c'est hyper douloureux sur les 2-3 jours. Mais t'es sérieux, jours. T'as dit hier que ça faisait pas mal le péter le frein. De quoi? T'as dit ça pissait le sang, mais ça fait pas mal. Mais non, sur le moment, ça fait pas mal. C'est comme lui, c'est sur le moment que ça fait pas mal. Lui, comme d'habitude, il donne une info à moitié. Ouais. C'est-à-dire que le mec, tout du coup, hier, il s'est dit oh, bah ça fait pas mal, je vais m'amuser pour voir. Hop. L'autre, il est en chip en 3 jours. Ah oui, maintenant. Parce qu'après, une fois que quand tu pisses et que ça touche l'endroit où t'as la plaie, c'est un calvaire. C'est comme quand il y a eu le piercing. Ouais, c'est comme quand Toff a conseillé à un pote à nous de faire une enfume aux impôts. Et un an après, il lui a dit: je ne t'ai pas dit que c'était légal. Mais tu peux le faire. Ah oui, parce que dans l'absolu, vous pouvez tuer quelqu'un, mais c'est pas légal, attention. Hein, non, mais tant que tu te fais pas choper, il y a pas de problème. Ouais, c'est ça qui. Il lui dit, mon conseiller fiscal a dit, tu peux le faire. Et l'autre, donc il a fait. C'est il pas une enfume, en fait, il a fait. Voilà, il a fait ce qu'il. Je vais pas dire ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Bah, il l'a fait. Et un an après, il lui dit, mais attends, mais c'est pas normal, moi. Et toi, il dit, mais je ne t'ai jamais dit ça. Je dis, tu peux le faire, mais c'est illégal. Pas légal. Voilà, tout ça pour économiser 3 sous. Voilà. Bon, donc du coup, Laurent, donc toi, tu l'as fait par forcer quoi. Et ta copine est contente dans l'absolu ou pas? Bah pour l'instant là je viens de sortir avec ma copine aujourd'hui donc on vient de sortir ensemble. Donc... En même temps si t'arrivais pas à décaloter t'as jamais pu t'en servir. Si ça va, ça a été quand même mais Mais là, comment t'as fait? Parce que si t'arrives pas à descendre comment tu fais? Ben comme ça je mettais le préservatif par dessus puis ça. Ah oui, ça devait être bien. Hein. Ça devait faire bizarre. Tiens, bah oui, c'était. Mais pourquoi tu l'as pas coupé toi-même? Bah oui, bah justement, oui. La prochaine fois tu nous appelles, nous après on vient, tu vois, y a pas de soucis, on est équipé. Hein, nous on viendra, y a pas de problème, tu nous appelles et puis y'a pas de soucis. D'ailleurs, on va se lancer là-dedans pour arrondir les fins de mois, tiens. On va enlever la peau, vous venez avec votre tub, là on va vous mettre sur la table et puis nous on s'occupe. Hein. C'est ça, puis ça sera beaucoup moins douloureux qu'à l'hôpital. Bah exactement, ouais. Et au moins si c'est douloureux, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'on a fait de la merde. Voilà. Bah attends, on va terminer tant qu'on a commencé. Oui. Hein. Parfait. Voilà. Là, on est bien. Ouais, c'est vachement mieux maintenant. Hein. Tu vois, c'est nickel. Il fallait venir chez nous. Et en plus, on fait pour pas cher. Hein. Non. Ah, t'inquiète pas, y a pas de problème. Okay. Bon, eh ben merci. Attends, Laurent. Attends pour pas que ça s'infecte. Attends. Je crache dessus. Voilà. Voilà. Comme voilà, ça, au moins, quand on l'a cautérisé, c'est mieux. Salut, Laurent. Ouais, y a moyen de gratter un petit truc. Qu'est-ce que tu veux? Un petit pack. Oui, bien sûr, Laurent. Je vais te renvoyer chez Sandro Standard, y a pas de problème. Ok. Salut, à bientôt. Salut. Laurent, ciao à toi. On va parler des relations longue distance dans quel milieu tu es. Yanis, il y a Cédric qui vont débarquer, il y a Joris également maintenant de Seine-Maritime. Salut Joris. Salut. Comment ça va? Ah, ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein, tranquillement. Ah, est-ce que t'es circoncis ou pas toi? Non, pas encore. Comment ça pas encore? Tu vas le faire? Non, pas du tout. D'accord. On sait jamais. Oui, oh bah bien sûr, on sait jamais. Bon, alors, toi, tu voulais parler de capote féminine, exactement. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà testé? Si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien, mal? Parce que moi, j'ai toujours l'image du sac plastique, quoi. C'est l'impression que tu vas chez Carrefour et... Bah, c'est ça, il n'y a pas d'autre image à avoir. Ouais, bah voilà. J'ai testé. Et j'ai vomi. Et c'est nul. C'est nul à chier. C'est nul? Mais c'est-à-dire, parce que t'as aucune sensation ou c'est quoi? Non. Bon déjà, pour la mettre, il faut un mode d'emploi. La fille l'avait jamais fait non plus. Et carrément difficile. Et une fois qu'on a réussi, moi j'ai rien senti. Elle, pas vraiment non plus. Ah ouais, donc un coup dans l'eau, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, ça donne envie. Hein. Ouais, j'ai acheté à pharmacie, ça en plus. En plus, c'est cher, il paraît, non? Ouais, c'est les plus chers du monde. Cher. Hein, c'est genre, je crois, c'est 5 euros pour deux. Ouais, ça doit être ça le truc le moins rentable. Ouais, 5 euros pour 2 ou 5 euros pour 3, enfin c'est vraiment... Mais pour pas kiffer au final, ça vaut pas la peine. Hein. Non, ça vaut pas du tout la peine. On est d'accord. Bon, et donc du coup, c'est qui avait lancé le délire de l'essayer? C'est juste par curiosité ou... C'est moi qui lui ai demandé, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, elle t'en veut maintenant. Moi, j'en ai marre de payer les miennes, du coup... ouais. Bon, on va t'enfiler gratos si c'est juste ça, espèce de crevard. Bah non, j'aime pas. Non, mais des capotes normales, ah, hein, oui, pas des capotes... Bah voilà, bah ça on va te filer. Quel crevard alors! Oh là là, Joris! C'est grave ce que tu fais, toi! C'est dingue ça d'être aussi radin! Mais non! Mais si, mec, j'ai des capotes, t'es sérieux avec ça? Bah oui! Mais non! Bah oui, mais bon, écoute, bah t'as qu'à paniquer comme ça, au moins t'auras pas de problème, ça coûtera moins cher! Je suis encore jeune, là! Et alors bah justement! Bon, Joris, on va t'enfiler justement quelques-unes, tiens, tu vas gérer ça avec Sandro au standard! Merci. Salut, à au bientôt revoir. Joris. Ciao. Salut. Retour avec Cédric dans quelques minutes et on va parler des relations longue distance justement avec Cédric, avec Angelo qui va nous parler également de la circoncision et oui, t'as fait. Non, le préservatif féminin, c'est encore pire que ce que je pensais, c'est 10 euros les trois. 10 euros les... Ah oui, parce que t'avais dit 5 euros les deux, toi. Ouais, non, c'est 10 euros les trois. Ah oui, c'est quand même bien cher, effectivement. Bon, eh ben, très bien, on va bouger. Vous ne bougez pas, on va faire des appels encore. On en fait un maintenant, là, on speed. Allez, on y va. On fait après la pub. Non, comme tu veux, c'est toi qui décides, c'est toi le chef. Moi, je sais, mais j'hésite. Bah, c'est... Bah, je sais pas. Pile ou face ? Ouais, pile ou face. Alors, pile on fait après la pub. Ouais, et face, on fait avant. Face, t'es un gros connard, teuf. Voilà, pile on fait après. Non, pile on fait avant, j'ai oublié. Pile après et face avant. Alors, très bien, attention, je lance la pièce. C'est face. Donc avant. Donc on fait avant. Bah on y va. Bah on y va, bah on y va. Alors on y va, on y va, on y va. On fait le premier appel. Ah bah on a plus le temps. Ah bah on a plus le temps. On a plus le temps. Mickaël. No. Limite. Tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là, 1h07. On est sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Bah profitez-en, on est là, n'hésitez pas. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Pauline qui dit ça m'intéresse l'histoire de Toff et Polo. Là, je travaille au trésor public. T'inquiète, on a un nom à te donner, Pauline, si on a une récompense. Non. Moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, moi, je balance. Alors là, pas de problème. Non. Pauline, il est dans un paradis fiscal. mikael@folradio.fr, je t'expliquerai tout en détail, Pauline. Bon, il y a David aussi qui dit sur l'application iPhone, là, je suis du même avis que Laurent, j'ai été opéré du phimosis à l'âge de 8 ans, ça fait hyper mal et je n'ai pas pu porter de caleçon ni de pantalon pendant 15 jours. Et au moment d'enlever les fils, ces bâtards faisaient tellement mal qu'ils étaient 5 à me tenir. Oh, tu m'étonnes. Il y a le prince Nida qui dit circoncis ou pas, peu importe, l'important c'est la propreté qui doit être là. Oui, mais bien sûr, et puis on en a parlé hier aussi, mais du coup, ceux qui sont circoncis ont moins de sensations. Puisque comme le gland est toujours à l'air. Ouais. Ouais, mais du coup ils ont moins de chances d'être précoces. Ah ouais. Et du coup ils se non, ça ils, veut ont, rien ils dire, ont moins hein. de chances d'être précoces. Bah si, t'es un mec, tu sais, t'as une bite. Bah je... Mais non mais moi celui qui était précoce, il était. Il était circoncis. Bah un oui. Il a bossé avec nous. Un mais pas non. tous. Non. Il y en a qui était. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a un qui l'était et qui t'as était précoce. Eu plusieurs mecs. Bah oui. Quelle salope alors. Oh là là. On croyait que t'étais une fille sérieuse. Ouais, c'est ça, moi. Bah je pensais... franchement, non mais pas tant que ça, au final. Oh. Pas tant que ça. Oh, il y a Megumi qui dit Mickaël, si tu as pas de réponse sur le mec avec ou sans peau, c'est juste que nous les filles, on s'en fout complètement. Oui, ouais, après, ouais. C'est toute une idée aussi. Et puis Let's Be Fritz également qui dit j'ai une relation longue distance, c'était court. Je l'ai vu une fois, mais c'est la meilleure histoire pour moi. Ah bah c'est déjà ça. Et salut, moi c'est Prune, j'habite dans le nord et je sors avec un mec qui habite dans le sud depuis 6 mois et ça se passe méga bien, donc relation à longue distance, c'est pas mal. Oui, mais ça fait que 6 mois, alors on parlera plus tard. Et enfin, Mystique également, ma dernière relation longue distance, il y avait 1036 km qui nous séparaient, ça a duré presque un an. Et Daoud Douida qui dit site de rencontre pour Sandro, j'ai du Nutella plein la teub.fr. C'est dégueulasse. C'est pas mal. Oh allez, non. C'est Hardwell qu'on écoute maintenant, c'est Dare You sur Fun Radio. C'était Hardwell avec Dare You sur Fun Radio et on est tous les soirs en direct avec vous. Il y a Dave Dead aussi qui dit Mickaël, moi toujours en relation longue distance. C'est énervant mais je fais avec car ça fait 3 ans que nous sommes ensemble, je l'aime. Oh, oh c'est trop choupinou. Il y a Félicia qui dit les relations longue distance, j'en ai eu plein et franchement il y a des avantages. On est tranquille, pas trop de problèmes de jalousie en général. Mais il faut savoir subir les distances. J'ai une amie qui a eu son mec en Croatie, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble. Oh, pourquoi pas, ça peut être bien. Et le... Ah c'est le prince qui dit il est d'une sympathie sans nom ce message d'accueil. Ah oui c'est celui-là. Mais va voir ta mère enfant de putain. Je l'adore celui-là. C'est celui-là dont on parlait. Enfant, on se vite un petit top tweetos là, une heure et quart là. Bien sûr. Allez ouais. Top tweetos, si ça s'arrêtait là maintenant, eh bien le numéro 3 gagnerait, mais quel serait le top 5 justement numéro 5 Sarah. Pardon, excusez-moi, je me suis étouffé. Sarah. Toff parle comme ça en fait en vrai. Oui, c'est pardon, c'était. On lui met la machine a été déréglée. Oui, numéro touché. Numéro 4. Cédric. Numéro 3. Julien. Eh ben ce serait Julien qui gagne. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Let's be free. Évidemment, le retour. Bon, si vous voulez tenter votre chance là, il faut mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis si vous n'avez pas encore ajouté, n'hésitez pas à vous taper Mickaël_officiel. Underscore, c'est le petit tiret en bas. Et puis bah, si vous vous m'ajoutez, je vous ajouterai également avec grand plaisir, les gars, les filles, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Message aussi qui dit Megumi, je l'ai dit hier soir, la plus grande relation longue distance pour moi c'était 25 cm. Ok, je ressors. Oui, Megumi, il y a un moment, il faut y aller. Hein. Virgile qui dit, moi je t'écoute tous les soirs, je voulais te dire que tu déchires. Merci, c'est gentil. Et So qui dit, la relation longue distance c'est de la pure merde, mais c'est facile pour casser. Faut juste bloquer la personne. C'est vrai. C'est une manière de voir les choses, c'est vrai. Bon, on fait encore des appels, Tof. Mais allons-y. Allez, c'est parti. Puisqu'on avait demandé si les femmes préféraient les mecs circoncis ou pas. Donc on y va, on appelle. Afin de poser la question, bien entendu, c'est à titre informatif et médical. Allô ? Oui, oui, bonsoir madame. Oui ? Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous préfériez les hommes circoncis ou pas. Ah, ce fut court. A priori, il ne veut pas communiquer. Oui, mais on va rappeler. Ce fut très bref, hein. Même pas un petit va te faire enculer. Rien du tout. Vache maigre ce soir. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ah oui, je sais pas faire ressonner là. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, je voulais vous demander si votre femme, elle préférait les hommes circoncis ou pas. Les quoi ? Est-ce qu'elle préfère les hommes circoncis ou pas, monsieur ? Ça, je peux pas vous dire. Ah ben bah oui, bah, ce serait peut-être bien que vous me la repassiez, alors. Ah bon ? Oui, repasser, c'est ça. Voilà. Faire à repasser. Non, pas faire à repasser, mais repassez-moi votre femme, monsieur. Faire à repasser, là. Bon, c'est qui à l'appareil, là ? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Tof, ouais, ben bah, écoutez, Tof, oui. C'est quelqu'un d'autre, d'accord ? D'accord, mais vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Oui, ben j'ai pas envie de répondre, là, vous faire cuire neuf. Mais pourquoi vous voulez pas répondre, monsieur ? Putain, entre le fer à repasser et le cuir à neuf, on est pas mal en termes de... On était bien. Bon, on va le rappeler. Oui, qui c'est ça ? Oui, ouais. C'est Tof à l'appareil, monsieur. Oui, Tof, c'est qui Tof ? Ben c'est moi, monsieur. Oui, d'accord, mais c'est qui ? Ben c'est moi, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme... D'accord, alors mais c'est qui là ? Vous appelez d'où ? Ben moi j'appelle de Paris, monsieur. De Paris, bon, vous avez rien d'autre à foutre ? Ben non, monsieur. Non, eh ben alors écoutez, essayez de foutre quand même quelque chose si vous avez rien à faire. Allez déranger quelqu'un d'autre, hein. D'accord, mais pour votre femme alors, monsieur ? Oui, bah écoutez, déranger quelqu'un d'autre, voilà. Oui, mais maintenant qu'on est au téléphone, vous pouvez me répondre ? Non, on est au téléphone, j'ai pas le temps. Mais vous avez tellement rien à faire que je m'en sors pas. Alors, déranger quelqu'un d'autre, si ça vous dérange pas, hein ? Non, voilà. Ça me dérange pas, mais pour y répondre à la question. Allô ? On va nous voir. Il faudra peut-être leur dire, parce que aller déranger quelqu'un d'autre, si tout le monde te dit ça, tu vas revenir au début, à un moment ou à un autre. Bah oui, évidemment. C'est con, on va le rappeler ? Bah oui. Allez, hop. Il a mérité. Oui, c'est vrai. En même temps, il a tellement chipoté pour rien, là, alors qu'il aurait répondu directement. Hein. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous voulez pas répondre à ma question. Dis-moi. Oui. Donne-moi ton nom et ton adresse. Alors, moi, je m'appelle Tof. Non, c'est pas un nom, ça. Bah si, c'est mon nom, monsieur. Non, c'est pas un nom. Donne-moi ton nom et ton adresse. Bah, je m'appelle Tof. Non, c'est pas ton nom. Bah si, monsieur, c'est mon nom. Donne-moi ton nom et ton adresse, ton numéro de téléphone. Alors, mon adresse, c'est 20... Rue Bayard, B-A-Y-A-R-D, oui. À Paris, dans le 8e. D'accord. Hein, voilà. Et je m'appelle Tof. Ouais. Voilà. Et ton numéro de téléphone ? Alors 01, ouais. 42, ouais. 48, ouais. 50, ouais. 00. 00. Voilà. D'accord. Ok. Eh ben je vais te rappeler. D'accord, mais vous voulez pas répondre avant de me rappeler, comme ça on gagne un peu de temps, quoi. Non, je vais pas répondre, je réponds rien du tout. Bah oui, mais enfin, monsieur, passez-moi votre femme, alors elle répondra elle-même. Oh merde ! Mais pourquoi il veut rappeler ? Mais oui, il est relou, gratuit, on est au téléphone. Oh là là. Non, surtout franchement, que il est chiant. Il va falloir qu'on le rappelle, parce qu'on peut pas passer directement oui, les gens tout au tout téléphone. Tout le monde doit se rappeler, on va le rappeler, de toute façon, hein, voilà, c'est ça. Une petite dernière, là, vite fait, hein. Histoire de clôturer. C'est quoi, c'est Fun Radio, là ? Oui, tout à fait, monsieur. Ah, mais il fallait le dire au début, depuis le début, pourquoi ? Ah bah vous m'auriez répondu plus vite, alors. Ben moi, je vais pas répondre. Mais c'est quoi la question ? Bah c'était juste de savoir si votre femme, elle préférait les hommes circoncis ou pas. Bah ça, je ne sais rien. Bah posez-lui la question. Pourquoi ? C'est très important, ça. Bah oui, parce que c'est pour savoir si moi, je me circoncis ou pas. Ah bah ça, c'est votre problème. Bah oui, c'est pour ça que je voulais l'avis de votre femme. Ah bah ça, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même le couper complètement si ça vous amuse, hein. C'est pas un souci, hein. C'est le vôtre. Bah oui, mais c'est pas le but, parce que voilà, le but, c'est ce que vous voulez faire de vous. Bah oui, c'est pour ça. Moi, voilà, je veux faire plaisir. Vous pouvez même vous prendre en passant, et vous jeter sur le train, oui. Et vous couper la gorge. Et puis vous tirer une balle aussi, tant qu'à faire. Ça, c'est votre problème, c'est vous. Oui, mais je vois pas l'intérêt de faire tout ça, monsieur. Ah bah écoutez, voilà. Oui. Bon, mais alors votre femme, circoncis ou pas, monsieur? Qu'est-ce que ça peut foutre? Bah rien, c'est juste pour savoir, monsieur. Eh ben, vous tirez à pile ou face. D'accord. Ah, mais c'est une bonne idée, ça, monsieur. Je vais faire comme ça. Voilà, vous tirez à pile ou face, et puis après, vous faites ce que vous voulez. De d'accord. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon. D'accord, très bien. Ben, une bonne soirée, monsieur. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah bah voilà, au moins il y a une solution. Bah oui, si je lui avais dit que Stéphane tout de suite, il l'aurait. C'est ça, on n'aurait pas fait 5 appels pour rien, il n'aurait pas lui-même passé un appel pour voir qu'en fait c'était bien Fun Radio. Ouais. Oh, je vous jure, cette perte de temps, c'est oui. Assez incroyable. Alors qu'il aurait pu répondre tout de suite. Mais exactement. Bon, non, on va parler des relations longue distance maintenant. Là, on va prendre Benoît avec nous de Montargis. Salut Benoît. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Ça va très bien avec vous? Bon, tranquille, Benoît. T'es de quel signe, toi, dis-moi? Scorpion. Scorpion. Ah, on a déjà fait les scorpions, je crois. Hein. Il me oui. Semble, oui. On l'a fait, ouais, oui. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ah, bah voilà. Bah alors, on l'a pas fait Verseau. On va faire Verseau maintenant et on terminera par les meilleurs. Les béliers, bien évidemment. Entendu. Alors, les natifs du Verseau adorent les jouets sexuels. Si votre partenaire est Verseau, encouragez-le à vous dire ce qu'il aime faire. Ce n'est pas forcément facile pour lui de vous avouer qu'il aime utiliser des accessoires pour augmenter son plaisir sexuel. Il faut donc que vous l'aidiez à se sentir en confiance. Oui. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? J'ai oublié. Bah, bélier. C'est tout? Ouais, il me semble. J'ai fait tous les autres. Je crois bien. J'ai fait Lyon? Non. Ah, tu vois? Ah oui. Bah, je ferai Lyon après, tiens. Bon, alors, Benoît. Oui. Bon, tu voulais parler des relations longue distance? Oui, voilà, parce que bon, actuellement, c'est ce qui s'est passé donc dans ma relation actuelle. Donc, ouais. La miss, elle écoute actuellement, elle s'appelle Patricia. D'accord. Donc, du coup, donc, en fait, on sait que tu vas pas être vraiment franc puisqu'elle écoute. Ben, non, mais c'est que cette histoire, tout a commencé sur un site. Comment? Donc l'histoire, tout a commencé sur un site de rencontre, de vidéoconférence. Voilà. Et puis ça dure un depuis 7 de mois. De vidéoconférence. Bon, peux-tu être plus précis, s'il te plaît? Peux-tu nous dire de quel siècle tu parles? Pardon? C'était quand cette rencontre sur un site de vidéoconférence? Ça fait 7 mois là. Ça fait 7 mois. C'était quoi le site? Donc, là, bientôt, c'était YouPorn. On va aménager ensemble là. Non. Ah bon? Ah, en 7 mois, dis donc, tu perds pas de temps. Hein. Ah ben bah, écoute, on s'est décidé tous les deux. Hein. Ah oui, non, ben bah, ça, ben bah, en gros, vous êtes décidé à deux. Mais je voulais simplement dire que tu perds pas de temps. Ah ben bah, le plus vite possible, parce que bon, la distance, c'est vrai que ça nous manque. Et puis, après, c'est la confiance entre les deux. Hein. La distance, ça vous manque? Non, la distance, enfin, ça nous... Comment expliquer? Ça t'emmerde, quoi. Voilà, ça emmerde d'accord. Un peu pour se rapprocher l'un de l'autre. Et d'accord. Après, on dépend de Skype, du téléphone, c'est chiant, quoi. Et elle était où, elle? Elle est du Franche-Comté. Franche-Comté, et en d'accord. 7 mois, tu l'as vu combien de fois? Deux. Non, trois fois, on s'est vu. Non mais t'es pas sérieux là. Semaines, je lui dis deux, il me fait non, c'est genre dis donc t'abuses quand même un peu. Hein. Alors non, fait, ça en fait trois. Deux semaines mais... chez moi. Après elle était venue avant pendant une semaine. Après, mais est-ce que tu sais, alors vraiment c'est pas du tout le but de casser le délire, mais au début c'est toujours super beau, super rose, c'est génial. C'est après que ça commence à venir un petit, ça risque de devenir un petit peu tendu. Donc là t'as c'est habité directement avec elle alors que vous êtes vus trois fois, c'est quand même un petit peu, enfin tu vois. Non, mais bon, c'est ce qu'on envisage, à quoi on s'engage. Mais dans tous les cas, c'est pareil. De toute façon, au début, mais... c'est tout rose, tout beau, et après, ben, ça peut à tout moment péter. Non, mais c'est bien. Moi, après, je te préviens, hein, je fais comme tu veux. Hein. Moi, je suis d'accord avec lui, hein, sachant qu'un mariage sur deux finit sur un divorce. Au final, qu'est-ce qui risque? Voilà, donc tout à fait. D'accord, ok. Et donc, tu conseilles quand même les relations longue distance ou pas? En tout cas, au début, éventuellement, non, après, c'est fini. Non, alors je conseille pas, mais. Attention quand même de ne pas vous jeter, enfin, que ce soit fille ou garçon, sur n'importe qui et un coup de tête quoi. Apprenez déjà. Ouais. C'est ça, parce que toi tu décides pas des trucs sur un coup de tête. Quoi. Non, mais c'est non, que, bah non. En fait, c'est que cette personne, on a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué, que ce soit sur Skype ou sur téléphone en vocal. Donc on a beaucoup parlé, discuté, et on a appris à se connaître. Ouais, bah oui. Oui, non, mais d'accord, ok, mais pourquoi pas. Mais tant mieux, voilà. Après, bon, oh là là, attends, ça fonctionne. On s'est pas vu longtemps, on s'est vu trois semaines, mais on se connaît, enfin, comme si on a vécu ensemble jusqu'à maintenant. D'accord. Ok, parce mais c'est bien, mais tant mieux. On a beaucoup de points communs, mais attention quand même aux... C'est quoi les points communs? Pardon? Les points communs, quels sont les points communs, s'il te plaît? On aime tous les deux la même style de musique, enfin on a le même délire. Qu'est-ce que vous aimez? Alors nous c'est plutôt du house, électro, voilà. Ah génial. Voilà. Très bien, bah vous vous éclatez alors. Après on est sur la même longueur d'onde quoi, on se prend pas la tête pour rien, pour un oui quoi. Très bien, non mais c'est bien, c'est bien. Tiens, il voilà, vas-y. Faut pas se jeter sur les premiers venus quoi, il faut bien d'abord vous connaître et connaître la personne et ça suffit. Pas vous. Non mais t'as raison, une fois ça suffit pour bien connaître la personne. Ouais, il y a Magda qui dit j'ai une relation longue distance, le mec était de Marseille et on est resté un an ensemble. Moi j'ai ma belle-mère aussi qui appelle ah oui, c'est son copain Mamour. Moi j'aime pas du tout, c'était par rapport au début de l'émission ça. Steven aussi, mais ça c'est pour les pénis, qui dit pour info, les pénis circoncis sont plus sensibles aux MST car le prépuce protège. Et Let's Be Freaks qui dit je suis Verseau donc j'aime les accessoires mais j'ai honte et faut m'aider car j'aime faire ça, note bien Tof. Je note. Parce que je rappelle que les Netflix, son plus grand rêve serait de se faire souiller par Tof. Ouais. Oui. Elle va être salie. Voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Non, mais évidemment. Voilà, donc souiller par Tof. Je la souillerai depuis ma croix. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'imagine ce truc. Oui. Et qu'il y a, et tu vois, oui, mais je vais te lancer, je vais. Je vais sortir mon membre. Oui. Regardez. Hop, ça tombe, tu sais. Ouais. C'est tellement mou. Oui, mais je ne peux pas tout faire. Alors là, il va lui parler pendant 2 heures. Parce qu'il bande pas. Il va l'occuper à autre chose. Ah bah oui, parce que là, il va falloir occuper. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Bon, message aussi qui est arrivé. Pourquoi vous appelez pas Gilou? Oui, c'est vrai, mais parce qu'en même temps, c'est lui qui nous appelle. C'est pas ah nous oui. qui l'appelons, on c'est pas l'autorisation. Une star. L'hôpital psychiatrique. Ouais, on essaiera de l'appeler, ouais. Attends, il y a aussi Jérém qui est avec nous de Carcassonne. Comment ça va, Jérém? Bonsoir tout le monde, oui. Ça va? Ouais, ça va et vous? Bah écoute, tranquillement là, peut-être. Oui, oui. Hein. Bon, alors Jérém, tu voulais réagir à Benoît sur les relations longue distance, quoi. T'as fait quoi comme relation longue distance? Ouais. Ben parce qu'en fait, moi j'ai rencontré un mec en juin dernier. On est sorti ensemble et tout, et le truc, c'est que j'avais trompé en fait. Ouais. Et, ah bah voilà. Ouais. Donc, c'est tout à l'heure, c'est la confiance. Bah oui. Ouais, mais laisse-moi parler. T'as eu ton tour. Attends, voilà, Benoît. Chacun son tour. Ouais, en fait, je trouve que genre une personne pendant 5 mois, et après, genre, on s'est sorti en classe et tout, on s'est disputé, il a manqué de respect à mes amis, à ma mère et tout ça. Mais qui? Et mon mec, en fait. D'accord. Ah, ton mec. Ouh, ouais. D'accord, ok. Et en fait, le truc, mais vous êtes... Attends, ton mec, mais vous avez consommé et tout, vous êtes défoncé un peu ou pas? Non. Ah, vous couchez pas ensemble? Non, genre on s'est vu qu'une seule fois en fait. Ah ouais, d'accord, okay. D'accord. Mais tu l'as pas bourré le fion un peu? Mais enfin, mais Polo, c'est pas ouf ça. Et après on dit que c'est moi. Mais oui. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Parce que moi j'ai pas demandé si c'est faire ramonner la cheminée. Merci toi, ça ira. Bon, mais pourquoi tu fous comme ça, Michael? Pourquoi tu fous comme ça? Mais c'est pas moi, c'est Tof et Polo. C'est Tof et Polo. Moi je suis seul, sage, au milieu, je dis rien moi. Je suis là, je vois passer les horreurs là qui sont à côté de moi là. Non, moi je fais rien moi. Bon, ouais. Bon, vas-y, continue alors. En fait, le truc, quand c'est classé en octobre, on s'est disputé et tout. On était plus ensemble et en novembre, il a fait le premier pas. Ouais. Et on s'est remis ensemble et là, c'est samedi, on va se revoir et tout. Je vais même rencontrer sa famille et tout. Voilà quoi. Et j'ai un peu stress ce truc. Mais attends, donc ça veut dire que tu l'as viré parce que le mec c'était un con et maintenant tu vas revenir avec lui? Ouais, mais voilà, parce qu'en fait, on se remet ensemble et c'est voilà. T'es bien une fille, toi. Quand même. Mais est-ce que vous êtes mis des doigts au moins? C'est Tof, c'est pas moi, je tiens à le rappeler, ce n'est pas Mickaël, c'est Tof. Mais ouais, non, mais parce que la prostate et tout, c'est important. Oui, on sait, Tof, c'est bon. Ouais, mais Tof, occupe-toi de ta croix, toi. Voilà, c'est ça, t'inquiète pas, il la porte, hein. Oh là là, y a pas de souci, là. Il la porte. Bon, bref, et donc du coup, maintenant tu vas le revoir, maintenant c'est l'amour fou, c'est génial, c'est la fête. Ouais, et j'en sais plus qu'une seule fois en 6 mois, c'est chaud. Ah oui, là, effectivement, c'est un peu. Bah non, justement, c'est pas chaud, là. Mmh. Il s'est pas passé grand chose, quoi. Je n'ai rien compris. Comment? Je vis dans le sud et lui dans le nord. Toi t'es dans le sud et lui dans le nord. Oui, bah oui. Et bah, lui, il descend, tu montes? Il monte, il descend, il monte, il Allô descend, il monte, il descend et à la fin il jouit. Allô? Oui, qui me parle? Allô? Oui, Jérémy, tu es toujours à l'antenne, tu sais. Oui. Donc, je disais, c'est toi qui descends, c'est lui qui monte? C'est moi qui monte. Ouais, enfin, on se comprend. Donc toi, tu montes. D'accord, ok, très bien. Ouais. En même temps, c'est une question qui sert à rien, en final, mais bon, j'ai envie de la poser. Très bien. Ouais. Eh ben, écoute, j'irai. Mais bonne chance pour la suite, alors. Hein. Ah ouais, Mickaël. Oui. Tu veux me passer une musique? Vas-y, dis-moi toujours, c'est quoi? Je sais pas si tu connais Asia Banks, Vénus. Bien sûr, oh là là, qu'est-ce que tu me racontes? Alors dis-moi, c'est quoi le titre? Asia Banks, tu la connais pas? Non mais donne, épelle-moi le titre, ah. Je vais d'abord voir déjà sur la machine, attends, vas-y. Ah, Asia Banks, ça fait A-Z-E-A-L-I-A. Attends, A-Z-E-A-L-I-A. Ça c'est le titre ou le nom du groupe? C'est le nom de la chanteuse. Ah bah très bien, A-Z-A-L-I-A. Alors attends une seconde parce que tu m'as mis sur la mauvaise case. C'est quoi le titre? Attends, bouge pas, je check de suite. Et attention, ladies and gentlemen, la machine cherche et la machine ne trouve pas. Eh ben voilà, problème résolu. Oh. Eh ben voilà, ouais. C'était quoi? C'est quoi le style? C'est genre électro aussi. Ah ouais? Genre, ouais. Bah écoute, non, là, on n'a pas, là, pour le coup, mais... Mais elle est bonne, hein. Mais elle est bonne? Ah ouais, elle est bonne. Ouais. Ah ouais? Bon. C'est une bombe. Bah écoute, ah ouais, j'essaierai de regarder demain dans le bureau du programmateur s'il a reçu le titre. Mais c'est un vieux morceau ou c'est nouveau, c'est quoi? Non, c'est un vieux, mais c'est une chanteuse, genre elle va pas tarder à être connue, quoi. Ah ouais, bah écoute, oh, Toff va la produire, hein. Ah ouais, 72 millions de vues quand même, hein. Ah ouais, Toff va la produire, t'inquiète pas. Mais elle est bien alors ou pas? Non, elle est pas mal. Bien. Est-ce que... Je te sucerais le sang. Ah, grave, quand elle veut. Ah, directement. Et ça aussi? Est-ce que tu pourrais me faire un deuxième à la coque? Ah oui, ça, elle peut quand elle veut aussi. Hein. Ça aussi, d'accord. Je discute pas. Hein. Très bien. Bon, écoute, Jérém, du coup, je vais me renseigner, mais merci en tout cas pour le tuyau. Ouais, pas de soucis. Ça marche. À bientôt, Jérém. Ciao à toi. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Elle me faisait justement des signes. Elle veut enfiler aussi à Benoît. Donc voilà, Benoît, y a pas de problème. Ouais, merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir. Merci à vous deux. À bientôt. Merci, bye bye. Salut à vous. Retour avec Cédric dans quelques minutes. Joris, Angelo, Nathan également. On va encore faire des appels avec Toff. Et puis on va se mettre le son de Asie maintenant. C'est Born Again sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'était Born Again sur Fun Radio. Il est 1h34, il y a un message de Let's Be Freaks qui dit: entre la séparation à cause de 3 cœurs en plus et un déménagement, car même goût musical, on a touché le fond, c'est sûr. Le prince Nadia aussi qui dit: moi j'avais un collègue, son copain venait la chercher et la surnommait mon petit canard en sucre. Véridique, elle avait honte. Bah tu m'étonnes. Et message aussi de Nes qui dit: petit point horoscope, ça dit quoi pour les Capricornes? Je l'ai déjà dit tout à l'heure pour les Capricornes. En revanche, revenons maintenant à nos amis Lion. Alors, c'est toujours l'horoscope du cul, on les a tous lus depuis le début, sauf Lion et Bélier. Les natifs du Lion sont généralement des personnes très romantiques. Si votre partenaire est Lion, jouez la carte de la séduction à fond. Drap en satin, pétales de rose parsemés sur le lit et bougies parfumées réjouiront votre moitié qui se sentira à l'aise pour manifester son côté fleur bleue. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et on va terminer avec les Béliers, hein. Alors attention, mesdames et messieurs, je vais m'enlever la musique pour que tout le monde soit bien concentré. Voilà. J'avais dit que c'était les meilleurs. Ouais, c'est ce que t'as dit, ouais. Faut d'abord que je lise avant pour éventuellement modifier le texte au cas où en direct. Voilà. Alors, les Béliers. Quel signe il est, le stagiaire? On t'entend mal, le stagiaire. Sans taureau. Taureau, d'accord, ok, très bien. On l'avait déjà lu celui-là. Les Béliers sont connus pour leur tempérament agressif. Ah bon? Ah, putain, je suis doux comme un animal. Ah, mais oui, une patte. C'est violent et passionné. Comment leur résister? C'est vrai que moi-même parfois je kiffe, tu te kiffes. Je me kiffe tout seul, ouais. T'as si raison. Votre partenaire est Bélier, testez des positions nouvelles afin de pimenter votre vie sexuelle. Sachez que le Bélier aime avoir le contrôle de la situation, alors laissez-vous guider. Ça me fait penser à Toff avec sa croix, ça me perturbe énormément. Je pense que je vais changer de signe. Ah bah prends-en un autre. T'as le droit. Bah, bien sûr. Je deviendrai Prends celui avec les draps en satin, il était pas mal. C'est Lion ça. Je crois, ouais. Ouais, je l'ai lu. Bah Lyon, pourquoi pas, ouais. Mais Lyon, c'est juillet, je crois, non? J'aime pas être né en juillet. Août. Hein? C'est août, c'est encore pire. Non, moi, je suis bien en printemps, parce qu'en juillet, il fait trop chaud. Lyon. Voilà, non, c'est ça. Lyon, c'est août. Ouais, Lyon, c'est août, ouais, voilà, c'est ça. C'est toi qui nous dis ça? Mais non, c'est pas ça, c'est par rapport au cadeau, tu vois, t'es en vacances. T'es oublié par tout. Oui, ça va, t'es oublié par tout le monde. Oui, alors qu'en avril, c'est top. Fin avril, c'est le printemps. Il fait pas mal normalement. T'es encore, tu vois, t'as les cadeaux, tout ça. Tu te fais pas baiser par Noël en disant bon, comme t'es né fin décembre, on fait cadeau Noël et anniversaire en même temps. Ouais, là, c'est le calvaire de ma sœur. Elle est née le 22. Ah ben non, mais c'est l'enfume, c'est une horreur. Donc on lui fait, ah ben non, on va pas faire un truc pour ton anniversaire, on fera Noël et ton anniversaire en même temps. Voilà, et hop là, dans le cul, Lulu. Et c'est fait comme ça, c'est plié. Bon, on va faire d'autres appels encore. Il y a Johan qui a envoyé un message depuis l'application iPhone. Énorme la leçon de ne pas se précipiter. Le mec la voit trois fois et il veut aménager. Ouais, oui, c'est ça, ils veulent emménager ensemble. Il y a David Douida qui dit les Vierges. Je l'ai dit tout à l'heure, les Vierges. Il y a Guillaume aussi qui dit j'espère que Fun fera gagner des places pour le concert de Jean-Pierre Sauzère. Ah bah évidemment, ça tombe sous le sens. Jean-Pierre Sauzère, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une star. C'est une grande star, évidemment, mondialement, en tout cas connue dans le pays, dans la région. Enfin, autour de sa maison, quoi. Et non, mondialement connue. Et donc immeuble. C'est son nouveau single, c'est celui-là. Je suis un Wacky One Man. Oh yeah. Woo. Yeah. Découverte de vie. Ouais. À tous ceux qui portent rock and roll en eux. Bon, on point trop d'infos, il ne faut pas non plus qu'on se lasse du morceau. On va d'abord, avant de récupérer Jean-Pierre, prendre Laura qui est avec nous maintenant. La Laura, 19 ans d'Avignon, comment ça va ma belle? Bonsoir, ça va? Je dis la belle, j'en sais rien après. Hein. Ça va bien et toi Laura? Ben, ça va. Eh ben, tant mieux. Écoute, sois la bienvenue. C'est le principal. Tu voulais parler des relations longue distance? Oui, parce que j'ai été dans une relation pendant 3 ans et demi. Oui. Et on s'est séparés il y a 2 mois à cause de Facebook. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il s'est mis en couple avec une autre. Non, c'est parce qu'en fait, il avait mon mot de passe et je l'avais changé et je voulais pas lui redonner, du coup j'ai cassé. Ah et du coup, il vous avait cassé pour un mot de passe Facebook, ah ouais, c'est un peu bidon comme... Voilà. Comme c'est une fausse excuse. Vous étiez restés ensemble combien de temps? 3 ans et demi. Et, et vous vous êtes quittés pour un mot de passe? C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est même pas le code de la carte bleue, hein, c'est un mot de passe. Non, c'est un mot de passe. D'accord. Non, ouais, non, d'accord. Non, mais vu comme ça. Bah, c'est une excuse comme une autre. Mais totalement. Ouais. Totalement. Mais je penserais à la placer, celle-là. Ouais, c'est ça. Tu me donnes ton mot de passe Facebook? Non. On se quitte. Voilà, c'est ça. Mais et donc, depuis, c'est terminé maintenant. Fini. Voilà, fini. Ah oui, c'est marrant ça. Ouais, d'ailleurs, je l'ai bloqué sur Facebook. Bah voilà, écoute, bah, Toff peut arriver en Avignon là. Mais avec, bien sûr, Laura, combien de jours avec l'autolib, sans problème. Ouais, il faudra juste que je trouve quelque part pour la recharger en le pont, le pont, sur le pont d'Avignon. Ah bah oui, tu vas te mettre là. J'y danserai, enfin bon. Ouais. Laura, combien mesures-tu? De gros connards. Combien pèses-tu? Mais va voir ta mère en fond, putain. 57. Quel est ton tour de poitrine? Ferme ta gueule, fils de pute. Combien? 50. Ferme ta gueule, fils. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Ah oui, ça, tu préfères mettre des sons pour du bruit? C'est du combien? Allô? Oui? Du Sancerre? Sancerre? Sancerre, c'est impossible. Donc c'est comme c'est énorme. Oh, très bien. Putain, j'ai envie de nager dedans, envie de plonger dedans, j'ai envie de me noyer. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Ah, j'arrive. J'imagine déjà une bonne faciale en... Enfin bon, bref. Ça ira, Toff, merci. Mais c'est pour ta peau, hein, c'est pour que t'allais après. Bah oui, bien sûr. Non, mais vous êtes une ordure. Mais complètement. Mais bon. Pas du tout, c'est pour elle, non, c'est pour qu'elle ait moins de rides. Espèce de connard. Ferme ta gueule. Du con. Après, ça sert à quoi qu'on trouve des études là qui expliquent des. Mais à rien, ça ne sert à rien. Mais si. C'est pas clair. Hein. C'est pour avoir des excuses après. Oui, que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Bon, et donc du coup, tu l'as quitté pour ça. Ok, Laura, moi je trouve que c'est une bonne idée. Bah, ouais. Ça t'a bien fait. Bah écoute, je te remercie Laura et je te fais des bisous. Bisous. À bientôt Laura. Ciao. Salut. Bon. Mesdames et messieurs, dans un instant, une star va débarquer, une étoile montante. Filante surtout. Ah, il arrive avec son sifflement. Ça siffle. Oui, il file, il vole, telles les ondes. Jean-Pierre. Ah merde, oui, ils sont dans le. Voilà. Comment ça va Jean-Pierre? J'ai eu peur, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, t'as vu, on a passé ton disque. Ok, mais j'ai un truc à te dire avant. Ah bah parfait, mais alors bouge pas. Mikael, limite. Vous allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, on est de retour sur Fun Radio et promis, on va récupérer notre ami Jean-Pierre Sauzère qui avait un truc à me dire. Je suis sûr que ce sera une bonne nouvelle. On va également récupérer. Bon, on va faire encore un petit appel, un petit dernier avant de partir là. Mais allons-y, allons-y. On va aussi récupérer Angelo. Il y aura Joris qui voulait parler des capotes féminines là. Et puis on va se faire le son de Martin Garrix qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Wizard. Passez une bonne nuit, 1h43, dernière ligne droite de l'émission. C'est Mickaël No Limit. On est toujours en direct évidemment et ce jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était Wizard. Et puis on va continuer, dernière ligne droite de l'émission. Maintenant avant de récupérer Jean-Pierre, on a également Joris qui est avec nous. Salut Joris. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va? Bon, on fera d'autres appels aussi avec Tof dans quelques minutes. Et toi Joris, tu voulais parler des capotes féminines? Ouais, c'est ça. Bon, alors parfait, allons-y. Qu'est-ce que t'as, est-ce que t'as essayé déjà? Dis-nous tout. J'ai déjà essayé et pas du tout bien. Putain, personne, on a réussi à trouver personne qui aimait ça. Horrible, c'est la pire, je pense que c'est la pire capote du monde. Là, c'est horrible. Je crois que Tof, il préfère encore baiser avec du gravier, non? Ah, grave. Ouais. Ah non, mais clairement. À sec. À sec, comme ça. Sur une croix. Oh, même pas sur une croix, il n'y a pas besoin. Posé, pépère. Pépère, ouais. Alors, avec une écharpe qui rentre derrière. Enfin, dans bref. Ton gros cul. Oh là là. Voilà. Exactement, oui. Bon, bref. Et donc, t'as pas essayé, t'as pas kiffé, mais comment c'était venu l'idée de d'essayer, justement? Bah, moi, j'ai voulu. J'ai appelé ma copine, elle est partie dans le délire, elle m'a dit ok, je le fais. Puis pour moi, ça me coûtait cher, donc c'est à elle de payer. Vous êtes vraiment des crevards, hein, c'est quand même exceptionnel. Bah ouais, un peu. Mais oui, ça me coûte cher en termes. On dirait Tof, ça me coûte cher en termes de capote. Mais attends, c'est un hors de prix. Bah baisse moins, t'as qu'à prendre la qualité au lieu de prendre de la merde. Non mais attends, 10 je euros. Pas des capotes, capotes. Des meufs. Hein. Ah oui, pardon. Voilà. Non mais c'est vrai. Bah oui, oui, c'est vrai. Si tu misais dans la qualité plutôt que de la quantité. Oui, mais enfin bon, ça a l'air si je mise dans la qualité, je baisse une fois tous les 10 ans. Hein. Ah mais c'est mieux. Ah bah non. Ah si. Non, je préfère baiser plus alors. Oh là là. Et puis même les moches, elles ont le droit d'être baisées aussi, merde. Ah mais là il se prend pour Roméo. C'est le mec qui rend service à la société, tu sais. Robin des Bois. Robin des Bois, pardon, je dis n'importe Roméo, quoi. Roméo, non, je suis très loin de Roméo. Non, oui, là, pardon, effectivement, l'autre il se prend pour Robin des Bois maintenant là. Eh oui. Et avec sa chanson. Ah, ça lui va dans bien. Les bois, Robin et Jean dans le cœur en fête. Oh, ben, ils évoquent en riant les souvenirs d'antan. Et ils se baladent à la recherche de meufs. Ils s'égayent des bons tours qu'ils firent en cachette. Au-delà, oui, au-delà. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de Tof et Polo quand ils se baladent. Ah, écoute, on va voir si je la baise. Ah, celle-là, je la baise. Ah, je la démonte. Ouais, je la déglingue. Ils courent dans la clairière, tout heureux de se baigner dans son cou. Ah ouais, point ne se défie du gros shérif, méchant compère qui épie sournoisement aux alentours. Ouais. Dans les bois, Robin et Jean, Tof et Polo se baladent. Et sautant et bondissant, ils courent à On essaye, on essaye. Tof trouve une moche sur dans le bord bois, de la route. Disparaissent comme toujours. Au-delà, li, au-delà, l'eau vive ce beau jour. Polo se termine dans les cheveux de la petite. Au-delà, li, au-delà, l'eau vive ce beau jour. Voilà. Bravo. T'as le talent. C'était beau, pas mal. J'étais à la guitare, hein, attention. Bon, bah très bien, mais finalement c'est vrai, hein, l'autre il se prend pour Robin des Bois. Non, c'est mon plaisir Robin personnel. Robin des Moches. Très bien. Bon, et donc du coup, Joris, on en était où avec cette histoire là? Je sais plus maintenant. Joris. Oui, c'est ce que j'ai dit. Joris, on en était où avec cette histoire? Genre, je sais pas, jamais. Mais vraiment, jamais. Ah, tu terminais, t'arrêtes avec ça. Ouais, terminé, mais pour tout le monde. Ouais, faut qu'ils arrêtent de le produire, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, faut arrêter un moment. Faut qu'ils passent à autre chose. Bon. Bah très bien, mais merci Joris. Bah de rien. Allez, bah, avec plaisir, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, hein. Tu peux lâcher une petite dédicace ou pas? Bah écoute, vas-y, profite à une seule personne, je connais. C'est comme une caisse, ça, en fait. Bah, il veut lâcher un pet, là. Vincent, t'as dit quoi, parce qu'on l'a pas entendu avec Polo qui parle en même temps, là? Je dédicace ça, Joris et Vincent. D'accord. Le message est passé. D'ailleurs, je me salue également tous les soirs. Hein. Salut Mickaël, c'est au top, je t'écoute tous les soirs, je t'adore. Continue comme tu ça. Tu t'envoies des messages via l'application? Bien sûr, ou pas? Bien sûr, attends. Bah, je vais en envoyer une. Mickaël, je te kiffe, t'es trop beau, t'es génial, je t'adore. Non, top, laisse quoi. Ça à d'autres. D'accord. Bon, mais c'est vrai qu'il y en a qui le font vachement mieux que moi. Bah, tu vois. S'auto-congratuler alors qu'il n'a aucune raison. Enfin, bon, bref. Bon, bah, salut Joris, merci beaucoup en tout cas. Salut. À très bientôt. Et interlude musical pour Toff. Avant de prendre Jean-Pierre Sauzer. Hey! Toff chante. C'est toujours la musique de Robin des Bois, attention, faut le savoir. Bon, avant de prendre Jean-Pierre, qui va encore être énervé, Angelo qui est avec nous de Marseille. Salut Angelo. Salut. Ça va? Mais je crois que Jean-Pierre il veut plus passer. Ouais, hein. Si. Ah bon. Angelo. Oui. De quoi on va parler avec toi? Comment? De quoi on va parler avec toi? Parce qu'en fait, ça fait un moment que j'essaye de vous joindre et j'ai une couronne perlée en fait. Oh! Mais t'as dévoilé un médecin? Comment? T'as été voir. En gros, t'as des petits boutons blancs sur le gland. Ouais. Mais comment, ouais. Comment te vient le truc de dire bon, je vais les. Comment tu te dis, tiens, je vais appeler des trous du cul en pleine nuit sur une radio au lieu de parler de mon gland. Soit d'appeler le doc éventuellement, ouais. Soit éventuellement d'aller voir un autre médecin, tu vois. Ouais, mais je pense que ça allait partir tout seul, tu vois. Bon, et... mets de la moutarde. Ouais. Bon, c'est un truc de grand-mère. Non, il va dire de la merde. Non, tu mets de la merde. Arrête, tu vas dire de la merde. Mais depuis quand il confirme quoi que ce soit? Tof. Je confirme rien. Voilà. Moutarde, tu mets un petit filet de. Tu sais, comme un papier toilette que tu tournes autour et tu mets de l'huile d'olive dessus. Bon, et ne fait tu, rien de ce qu'il vient de dire. Et tu vois, ça ne veut rien dire. Moi, bon. je crois qu'il faut la tremper dans le vinaigre. Mais moi, c'est ce que j'avais lu. C'est ça, dans l'acide, tant qu'on y est. Mais n'importe quoi. Non, mais dis pas ça. Là, c'est moi maintenant le problème. Non, parce que le vinaigre, ça va. Bon, Angelo. Écoute, pour ça, il faut vraiment que tu ailles voir un médecin parce qu'il y a un traitement à faire. Hein. Non, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est pour enlever, non, enlever les petits points blancs, là. Non, ça reste. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de monde qui l'avait, en fait. Hein. Bah, il paraît qu'il y a pas mal de gens qui ont ça, ouais. Bah, déjà, ouais. Le stagiaire. Mais ça craint ou pas? Non, c'est pas. Apparemment, oui, le stagiaire, il a ça. Il a peur, le stagiaire. Le stagiaire a ça. Mais toi, qui est stagiaire? Je savais pas ce que c'était tout à l'heure, j'ai regardé des photos. Sors ton zizi. Viens voir, je vais te montrer. Sors ton zizi. Stagiaire, allez voir avec toi à côté de toi. Regardez, hop, voilà, c'est là. Montre. Attends, j'ai j'agrandis. Oh, l'autre qui croit un poisson, c'est un animal marin. Stagiaire, sortez votre kiki. Le kiki du stagiaire doit être sorti, on va opérer. Non mais écoute, va voir un médecin quand même Angelo, on sait jamais parce que c'est vrai que c'est pour ceux qui voient pas très bien. Hein. On peut demander à JB, JB, est-ce que tu sais ce que c'est ça? JB, viens voir. Non parce qu'on en parlait justement avec Angelo. Oh la tête de JB. Ah mais c'est ta bite. Oui. Voilà, c'est la couronne perlée. Donc en fait c'est des petits boutons comme si c'était un bouton d'acné en fait sur la teub, hein, sur le gland, très classe. Mais en fait c'est pas dessus, c'est un genre... C'est en dessous, c'est un ouais, peu c'est caché, juste sous le gland, ouais. Ouais. Voilà, et donc il y a quand même... en dessous. Bah c'est juste en fait, donc t'as ton gland et t'es juste en... ça fait un petit rebord. J'en ai pas beaucoup, ouais. Il doit en avoir... C'est là en dessous. Ah ouais, d'accord. J'en ai pas beaucoup, mais voilà quoi. Non mais écoute, va quand même voir un médecin, ça coûte rien. Enfin si, enfin je veux dire, façon de parler, tu vois. Voilà. Au moins t'es sûr, non mais imagine bah oui. C'est un truc un peu plus grave, on sait jamais. Attends, on peut demander, Jean-Pierre. Oui. Genre, est-ce que t'as des conseils à donner éventuellement à Angelo, là? Bah, qu'à mettre sa bite. De toute façon, j'aime pas parler tout ça à la radio parce que j'ai... Vas-y, t'avais commencé, fini. Mais non, mais attends, Non, mais qu'elle mette sa bite dans le javel, puis voilà. Mais enfin, Jean-Pierre. Dans le javel, il a dit. Ne le faites pas, ne le faites pas, évidemment. Ouais. Jean-Pierre est un professionnel, il a mis sa bite un peu partout, mais voilà. Ne le faites pas. Ouais. C'est un ouais, cascadeur. C'est ça. Sinon, en vrai, vous allez en boîte de nuit, parce qu'il paraît que le traitement c'est au laser, puis vous mettez devant les lasers. Super. Ah bah, vous suivrez comme ça le stagiaire, comme ils disent, comme Stack Clubber. Bon, Angelo, ce qu'on va te faire, c'est qu'on va donner le numéro de Lilou. Enfin, on va demander à Lilou de t'appeler demain soir. Ouais. Pour en parler avec des professionnels. D'accord? Ouais. Bon, on fait comme ça? Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Bah, on est content aussi, t'inquiète pas, c'est pas parce qu'on te dit d'appeler le doc qu'on te dégage et qu'on est pas content, hein, c'est juste pour être sûr que t'es de bons conseils à ce niveau-là. Mais j'avoue que c'est pas très beau. Bah oui. Mais je peux pas rester un peu au téléphone donc si. Non mais bien sûr, bien sûr. Bah si vous avez déjà eu justement tiens une couronne perlée, bah appelez-nous tiens 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Moutarde. Non, arrête avec tes conneries. Vinaigre, mais c'est bon, vrai. Angelo, reste avec nous. Il y a Jean-Pierre Sauzère le retour là. Jean-Pierre. Ah, le sifflement l'accompagne. Le sifflement est de retour. Hein. On peut pas le louper. Hein. On peut pas faire un fake avec Jean-Pierre. On peut pas dire tiens, il y a Jean-Pierre Sauzère alors que le son est comme ça. On saura qu'on mitonne, tu vois. Bon, Jean-Pierre, est-ce que dans la rue, quand tu te trimbales, il y a le sifflement le avec sifflement toi? Sifflement dans l'oreille, ouais. Bah ouais, peut-être, ouais. Ah bon, bah ouais. Bon, quoi de neuf Ouais, moi, j'avais déjà parlé déjà d'une. Il faut plus prononcer le nom de Monsieur Lafitte. C'est tout continu comme ça. Moi, je te le dis, tu vas avoir des gros problèmes. Et je ne pense plus que ta radio, déjà d'une. Mais... C'est pas bien de faire ça. Mais non, mais attends, mais on a déjà rien déjà, Marc, dit. Je suis fâché avec lui, enfin c'est lui qui est fâché avec moi. Et si on parle je passe sur sa radio. Et si on parle, attends, Jean-Pierre, sur sa radio qui a appelé Marx aussi, on dirait que sur sa radio plus. Vous allez pris sur radio, donc ça va pas là. Et... Ça débloque complètement. Hein. Mais et si tu parles de si on met un nom de code au besoin parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin on n'a pas forcément besoin de parler de lui mais Monsieur si on met un nom de code genre Château Lafitte. Non, mais faut arrêter. Arrête avec ça, parce que moi je vais pas être content, tu seras pas mon pote, faut arrêter de parler de ça. Ah non, mais attends, mais ça n'a rien à voir. Attends, mais moi, tu sais qu'on en a parlé qu'une seule fois, et encore par. Pour le contrat avec Younes. Non, oui, déjà, et on se posait simplement la question. Mais non, tu nous dis, voilà, il faut plus en parler parce que le mec, c'est j'en sais rien, je sais pas qui c'est là. Pas de problème. Ouais, nous on parlera de Laurent Lafitte, on parlera de son nouveau film. Voilà, on mais ça c'est un. Bon, bah très bien. Mais est-ce qu'on peut aller. Est-ce qu'on a le droit de parler de Maison Lafitte. Mais ça, Maison non, attends, si tu recommences avec moi, je vais foutre de ma gueule, on va peut-être pas te. Mais non, mais Maison Lafitte, on peut, c'est Polo, il est con. Moi, je veux me faire respecter, je veux pas qu'on se trouve. Mais respect. Peace. Bon, alors Jean-Pierre. Faut pas que ça fasse comme avec Marc, c'est tout ce qui s'est passé depuis des années, puis pas avancer, parce que moi aussi, ouais, mais là, on avance. C'était pareil à lui, à son blague, ça n'ira pas ensemble. Non, mais Jean-Pierre, là, on avance. On avance, on recule, comment veux-tu? Non, mais là, on avance, Jean-Pierre, là. On a déjà diffusé des titres, etc. Et donc là, on avance. Mais il veut pas passer sa vie sur Fun Radio. Bientôt, là. Arrête d'appeler alors. Bah, bien sûr, mais normalement tu devais venir ce soir, donc. Mais non, je peux pas venir parce que vendredi je vais à Paris, tu vois. Oh merde, ah merde, parce que là on t'attendait, il restait 2 minutes d'émission là. J'ai rendez-vous avec le producteur et voilà. Ah, donc est-ce que le nouveau morceau, donc remixé David Guetta, va sortir alors? Je ne sais pas. Je sais que mon producteur il va refaire Jean-Pierre Wonderland. Ouais, très bien, donc Jean-Pierre in Wonderland, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Et donc, parce que j'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui demandaient si éventuellement, à la place d'avoir le CD dans les bacs, qu'ils pouvaient éventuellement l'avoir sous le sapin. On s'y prend trop tard. Hein. Ah bah merde. Merde. Non mais. Bah ouais, mais bon, bah ce sera. Mais s'il n'y a plus de Noël, après on fait comment? Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, mon disque va sortir dans les bacs, hein, et j'insiste auprès de mon producteur, le mettre dans les bacs. Mais dedans alors. Mais si, parce que moi, non, mais de toute façon, maintenant on veut remplacer les artistes par internet, je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais. Moi, on m'a demandé si on peut pas jamais. Hein, puis la variété française, il y en a beaucoup dans les bacs qui se vont pas, donc c'est à cause aussi de. Mais c'est. Non, mais non, attends, je t'arrête directement. Si les chanteurs aujourd'hui ne se vendent pas, c'est parce qu'ils sont mauvais. Mais non, c'est parce que. Mais si. Ah si. Non, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers, je veux dire. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils sont mauvais, étrangers ou français. Chanson française. Mais la chanson française. Il y a trop d'importation étrangère. Exactement. C'est les Canadiens. Ça, c'est la faute des Canadiens. Je dis le nom. C'est la faute des Canadiens. Est-ce que t'aimes bien les Canadiens? Je suis pas raciste, rien du tout, moi. Mais j'ai des amis canadiens. Pour faire un monde. D'accord. Mais je veux dire, il faut laisser la chanson française. En France. Oublier, ça peut pas. Bien sûr. Et la chanson française comme ça. Super disco. Super son, tempo d'acier, volume à fond, la sono nous fera. Ça c'est un des singles Super Disco, Jean-Pierre. Hein. Ouais, mais là c'est chanté très fort à l'époque. C'était... Ah bon? Dans les années 90, je commençais à. Ah, c'était 90. Ouais, il débutait là. Et ça date de quand? Je cherche un producteur, briquet, auteur, compositeur. Donc c'est là, date de quand alors? De 92, c'est ça. Ah, 92? Mais ouais, c'est la dernière, c'est. Dans les bacs, il marche. C'est la dernière quoi en bac, dans les bacs? Il faut le mettre encore 25, c'est mon 45 tours que j'ai fait, le seul. Ah, on va s'en tour, bah parfait. Ça serait pas mal qu'on. Le 45 tours, en plus, ça va cartonner, hein. Bah ouais. Ah bah attends, 45 tours, on est au top avec ça, c'est clair. Et ça date de quand alors? Moi je t'ai découvert avec ça à l'époque. Hein. Ah oui, bah ça date de 98. 98, ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est du lourd. Monsieur le ministre de la Culture. C'est la fête de la... Non, pardon. Monsieur le ministre de la Culture, attention, regarde. Monsieur le ministre de la Culture, à donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, toute la France se met à chanter. Se retrouver vers la Java et puis boire du champagne. Allez, c'est la fête de la musique. On chante plus à voir de voix. Les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique. Toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des disques. Quel bonheur pour s'éclater. Chanter des chansons que vous aimez. Fun. This is my station. Fun Radio. Fun Radio. Le son Zen Floor. A donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique. Toute la France se met à chanter. Bon, c'était pas mal quand même. Ouais, c'est bien, ouais. Attends, le son, on sent que le son, il est travaillé. Bon, évidemment, le morceau, il est pas tout récent, donc... Non, mais il est à refaire, de toute façon... Ah, non, mais bien, non, pas tout refaire, juste remasteriser. Non, ouais. Non, on va réenregistrer avec des nouveaux musiciens qui vont mettre à ma disposition. Vous faire et mettre le sifflement, tu peux mettre le sifflement. Ouais, ça, il faut, parce que sinon les gens reconnaîtront pas c'est ta patte. C'est la touch. Bon, et alors, du coup, quand quand que ça va se faire? Bah, oui. Bah, moi, je dois signer le contrat vendredi avec le producteur, puis voilà. Vendredi. Ouais. Après, okay. Je te retiendrai aux nouvelles. Bah, oui, bah enfin bon, à la cool. Hein, À la rentrée. Oui, bah comme ça, en septembre. Bah ouais. Bah super. Tu reprends quand exactement? De comment? Tu reprends quand? En janvier, non? Oui, en janvier, ouais. C'est toujours à la même heure, non? Oui, bah a priori, hein. D'accord. A priori, bon, peut-être qu'on va changer, on va verser avec JB, je sais pas, peut-être qu'on fera 2h, 6h, je sais pas. On verra. Ah, oui. JB fait voir. Tellement d'audience. Mais oui, c'est ça, comme c'est là que ça cartonne, c'est pour ça que moi j'aimerais bien prendre là. Bon, enfin bon, on verra. Bon, écoute, JB, en tout cas, si tu veux, il y a une possibilité d'interview avec JB vers 3h du mat ce soir. JB. Hein? Ouais. Voilà, si tu veux, à 3h du mat, ouais. Il peut te faire une interview 2 minutes en direct sur Fun. Là, je dors, maintenant je me lève, je suis pas là. Ah, tu te lèves? Ouais, parce que moi je me lève plus. Dommage, j'arrête. Ouais. C'est fini. Dommage, j'arrête. On jette l'éponge. Écoute, bon, alors Jean-Pierre, dès que t'as un nouveau son, dès qu'il est remixé, remasterisé, tu nous dis. N'oublie pas aussi que vendredi t'as un concert. Hein. Bah oui, à El Paso, ouais. À El Paso, exactement, où ça? El Paso. El Paso, bien sûr, où ça? À Compiègne. À Compiègne. Voilà, ouais. C'est ça. Très bien, bah écoute. Compiègne qui pourra. Et on va voir, Michael, là-bas, tu peux venir. Oui, voir, oui, oui, mais bien sûr, je serai là. On mettra des photos, on mettra sur Facebook. Et ben, on mettra sur Facebook, évidemment. Ben, je viendrai, il y a même Toff qui sera là aussi, ou là. Ouais. À Compiègne. Ah bon? Ben si, à Compiègne, pas loin de Compiègne. Oui. Voilà, bon. Par contre, je suis pas trop content de Marc, pourquoi tu m'allumes comme ça? Mais c'est un connard. Mais non, mais t'as raison, écoute Jean-Pierre. Ça raconte pas maintenant. Pour toi. Il est pas content que je sois sur ta radio et puis. Non, c'est non, pas mais parce qu'on est. C'est normal, mais c'est normal, écoute, c'est un con, Max. Je suis désolé, c'est comme ça. Réagir de toute façon, tu vas évidemment. Tu vas me l'inviter, Max, un de ces quatre, puis face à face, on va parler. On va faire un face-to-face. On fera du 7 sur 7. Oui, bah 7 sur 7, voilà, c'est ça. On fera ça. Non, mais enfin, c'est con de n'arriver là quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est bien, franchement. Max, il a toujours été comme ça, c'est un salaud, quoi. J'ai rien de mal sur lui, hein. Mais t'as bien raison. Moi j'ai du talent, puis voilà. Mais exactement. Mais tout à fait, tout à fait. Le talent c'est toi, JP. Voilà, et fin, tu vois, parce que avant, c'était David Guetta, l'icône de Fun, maintenant c'est toi. Bah oui, voilà. Voilà, il y a un moment, il a pris sa retraite, quoi. Il devient ouf, là. David Guetta, c'est pas moi, tu vois. Non, évidemment, toi t'es au-dessus. T'es level, quoi. Non, mais moi, de toute façon, je vous tiens au courant que mon producteur... Eh ben, très bien. Voilà, Fait, si ça se fait pas, il y en aura un autre. Évidemment. Eh ben, très bien. Talent, bon, ben, Jean-Pierre, on va pas te déranger plus longtemps. Ouais. Non, on va laisser le talent se reposer. Je te dis à bientôt. Eh ben, très bien. Allez, à bientôt, Jean-Pierre. Hein. Merci. Allez, salut à toi. Je te dis rock and roll. Yeah, rock and roll. Vas-y, rock and roll. Je suis un rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Eh ben voilà, on est pas mal avec ça là. Alors on est pas mal. Ouais. Wallman. Bon ben merci Jean-Pierre, la bonne soirée, je te renvoie chez Dexter au standard. Ouais. Eh Jean-Pierre. Merde, il a raccroché. Putain, tant pis, c'est pas grave. Bon, on le rappelle pas, surtout, c'est pas grave. On va se faire le top tutos maintenant. Allons-y. Ah merde, il y a encore un appel, je suis con. Là. Top tutos juste après. On va d'abord terminer l'appel, dernier, non? Allez, si tu veux. De toute façon, on s'en fout, après il y a JB. Ouais. Allez, c'est parti, on y va, on fait le premier appel. Allons-y. Allez, premier appel, enfin, dernier plutôt. On avait appelé pour savoir si les meufs préféraient les mecs circoncis ou pas. Exactement. Ah, donc c'est parti, on y va. Allons-y. Ah, ben, JB, il aime les circoncis. Bah tant mieux. C'est ce qu'il m'a dit. Ça change ma vie. Je suis content. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme préférait les hommes circoncis ou pas. Alors, qu'est-ce que vous me racontez, vous? Bah, rien, ouais. je vous demandais juste si votre femme, elle préfère les hommes circoncis ou pas circoncis. Ouais, fous-moi la paix, toi, connard. Oh, connard. Donc, on va le rappeler, hein, monsieur. Ah, bah oui. Bah oui. Allez, hop, c'est reparti. De retour. En Corse, a priori. Allô? Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé, monsieur. Ouais, c'est parce que j'ai coupé, moi. Bah, ça se fait pas, monsieur, je vous ai posé une question. Ouais, bah, demande à la tienne ce qu'elle préfère. Bah oui, mais ça n'a pas de rapport, monsieur. Moi, c'est à vous que je pose la question. Eh ben, demande à la tienne. Mais vous voulez que je lui demande quoi, monsieur? Eh ben, si elle préfère le circoncis ou pas. D'accord, mais du coup... Voilà, là, tu me déranges, je regarde un match. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Allez. Ça, monsieur. Ado, vous, ciao. Oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. En même temps, s'il regarde un match à 2h, c'est une rediff, hein, donc il suffisait qu'il nous demande de nous redonner le score, c'est pas grave. Avec un mec de pause. Mais oui, oui, bah voilà. Bon, bah du coup, on n'est pas plus avancé à ce niveau-là, c'est bien dommage, tant pis. On fait le top tweetos pour terminer. Allons-y. C'est le numéro 3 qui gagne ce soir avec tous les hashtags et Mickaël que vous avez envoyés, enfin tous les messages plutôt avec le hashtag et Mickaël. On y va, numéro 5. Le prince Nadia. Numéro 4. Cédric. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Let's be freaks. Ah. Et le numéro 3. Julien. Numéro 3. Bravo Julien. C'est Julien qui repart donc avec le sextoy. Très bien. Comme Stéphanie qui était là, un hein, gros sextoy tout large. Puisqu'évidemment elle a pu choisir et comme par hasard, elle a pris le tout gros, bien entendu. Ouais. Et ouais. Elle aime ça. Ah bah bien sûr, évidemment, au taquet. Elle aime les gros volumes. Bah voilà. Mais c'est ça. En plus, elle est en train de draguer JB là qui lui est comme un ouf. Ah, il est bouillant JB. Je pense que JB bande. Bah complètement. Non mais attendez. Il bande, le salaud bande. Oui, pardon. Voilà. Restez là. Générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitaf, te suces, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ton oncle est un enculé. Dormir, manger toute la journée. Et toi, t'es enculé, non? Ce gros connard va te faire enculer. Et va te faire un peu taper la ridicule, d'accord mon gars? Va t'en faire enculer, je te dis. Allô, faire enculer, procédé. Oh, espèce de connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie! Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Rame ta gueule, fils de pute. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitaf, toi sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, une de moins. Parfait. Eh ben on a plié là, on a plié, on revient demain, dernière de la semaine, entre 23h et 2h du mat demain avec la GoPro à gagner. Puis la semaine prochaine on sera là 20h minuit, hein. Dimanche, lundi et mardi notamment pour le 24 décembre, on sera là en direct sur Fun Radio. Et on se retrouve demain 23h. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et ils rigolent, ils sont contents. Et c'est notre ami JB. JB dans la radio. Attendez, je vais dénoncer quelque chose. Hier, j'ai gagné un god. Pourquoi Stéphanie là et pas moi? Comment ça, hier, t'as gagné un god? Oui, vous m'avez offert. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais si. Ah oui, mais c'est pas. C'est tu veux te mettre ça dans le fion? Non mais si tu veux, d'accord, nous on voulait t'offrir un. Pourquoi vous me dites? Non, ouais, mais on voulait des cadeaux. Je pensais qu'il y avait un délai. On voulait t'offrir un truc adapté, nous. C'est-à-dire? Bah adapté pour les mecs, ils mettent pas un truc comme ça. Non mais ça je vais l'offrir à ma soeur par exemple. Oh mais c'est dégueulasse. Oh. Il devient fou. Quoi? On a perdu JB. Elle a 15 ans. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est scandaleux JB. Putain, on a rencontré JB comme ça au mois d'août, il était très beau. Il était chiant en fait, il était coincé du cul et tout. Et là maintenant le mec, c'est lui qui nous choque. Mais JB ça va pas ou quoi? Tiens, en parlant de choquer, tu te souviens de tous les doses que Anne, cette charmante dame, demoiselle, dame, enfin bon, peu importe, on va dire les demoiselles, qu'on a rencontré quand elle on était à Montpellier, quand on était à Montpellier, machin, donc qui connaît très bien JB, qui nous a sorti quelques dossiers, notamment le coup du poisson là entière, le coup du le cœur du, le coup de tous les dossiers là dans la cave à cadeaux à Fun Radio Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Etc. Bon, c'était une histoire passée ça. Eh bien, j'en ai un petit dernier. Allez, joyeux Noël JB. Ah non, c'est quoi encore? Il va sous la console chercher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je me casse, hein. Eh bah casse-toi, tu refuses, tu veux que je te le donne pas? Qu'est-ce que c'est? Je te le donne ou je te le donne pas? Mais donne-le-moi. Mais tu vas pas me foutre, t'as pas un scandale? Non mais je sais pas ce que c'est. Tu peux refuser à tout moment. Vas-y, donne. N'oublie pas qu'on est déjà dans Oui, c'est ma tranche horaire. Moi, boss, dans la radio. On est déjà dans la dans moi boss de fin de radio. Non mais vous filmez pas ce soir donc c'est pas quelque chose. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est pas non, c'est parce que ça sera auditif, pas visuel. Ah bon, je me rassois alors. J'étais prêt à partir. Ou alors je me fous ta gueule, je sais pas, faut voir. Bon, c'est quoi le dos? Y'en a marre. Mec, touche mon cœur encore une fois. Tout ça pour se faire toucher, alors c'est non, dingue mais c'est ça un quand truc même. Malade. Je vais pas bien. Mais son cœur il fait tout. Non mais je veux dire, vous me terrorisez. Mais c'est normal, c'est parce qu'il écoute que des quotas. Alors pour ça qu'ils en ont marre là. Fais attention, Toff ne rêve qu'une chose, c'est de faire du bouche à bouche. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils font, Sandro et Toff, tous les deux. Là. T'inquiète pas, là, mais ils sont en train de préparer une petite surprise. Ouais, je sais pas. C'est parce que c'est la continuité. Ouais. Bon, tu acceptes ou tu refuses? Vas-y, j'accepte, bien sûr. Très bien. Place au chien. Tiens. Ça va, c'est ton cadeau de fun. C'est le cadeau de fun. Le suivi, ouais. La pression, je savais. Non, en gros, on a reçu un cadeau de fun. Ouais. Tous ceux qui bossent à la radio ont reçu un cadeau de fun. C'est-à-dire qu'une bouteille de champagne et des macarons. Et donc, on m'a dit, comme l'autre. Casse-couille, il arrive à 2h du mat. Ouais. Bah du coup on m'a dit hey, tu peux donner ça à JB. Et évidemment j'ai vu Louben arriver. Je me suis dit oh, on va lui prendre la tête encore. Et ça y est, c'est fait. Donc si vous voyez que vers 4-5h du mat il commence. Oui, mais non, mais on va écouter Nirvana. Je bois pas d'alcool. Alors parfait, je l'arrache 10 euros. C'est parfait, c'est la place du God, c'est parfait. Non. Mais toi t'as un problème en fait, t'es déjà complètement torché en fait, c'est ça? Non mais je bois jamais d'alcool, je vais l'offrir à ma soeur ça. Bah. dit-il après avoir dit qu'il allait se le mettre dans le cul. C'est bien. La pauvre. Non mais après il y a des macarons, alors ça j'aime bien. Bah voilà. Tu nous racontes ta vie parce qu'on s'en bat les couilles en fait. Non, mais, tu bois pas, tu manges tes macarons. Durée, en plus. Non très bien. Ok. Merci Fun Radio, merci Jérôme. Son Altesse. I love you. Oh putain. Bon allez, on va se quitter là maintenant. Attends. Quoi, tu m'avais promis quelque chose sur Twitter aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce oui, que j'ai promis? Tu m'as promis le 06 de la gagnante des loups boutins. Non mais j'ai rien promis, j'ai dit on négociera ce soir. Mais ouais, négocions. Ouais, eh ben. Alors dis-moi. Bah tu roules une pelle à Toff. Voilà. Alors arrêtez. Tu mets Nirvana, je te le donne. Non mais je vais me démerder tout seul alors. Parce que en fait, j'ai un peu scruté, j'ai son Facebook. Quel... Le problème c'est que je pense qu'elle a eu tellement d'ajouts qu'elle a bloqué les ajouts, on peut pas l'ajouter. Étonnant, elle est donc tombée sur des mecs relous. Ce gros connard va te faire enculer. Comme toi probablement, hein. Et c'est ça en fait, ça, oui, ça, bon, ça l'a saoulé quoi. Voilà. Bon, et on se quitte avec quoi? Alors il y a ça. Ah oui. Ah mais moi. Où il y a ça? Non mais non. Non. Ça c'est mieux ça. Alors est-ce qu'on met non. ça? Non hein? Mais non. Oui. Yo quel chou, c'est énorme. Mec, t'es pas fini là, c'est pas possible, on t'a acheté contre un mur à l'époque à Toulouse, non? Allez, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle personne? Mais je me fais beaucoup d'inquiétude pour Toff. Qui tous les ouais, soirs je me fais beaucoup d'inquiétude pour toi. Me montre des films pornographiques à caractère homosexuel. Ça ne me dérange pas. Enfin bon, là quand même. Oh, il aime bien. Hein. Oh là là là là. Mais ils sont combien? Ah bah beaucoup hein. Ah ils sont beaucoup. Ils sont 17 là. Ah ouais, complètement. C'est ouais. Une équipe de foot. Regarde, on va se quitter là. Vas-y. Très bien. On remet à zéro. On se retrouve. Oui, on va le remettre à zéro. T'inquiète pas, tiens. Hop là, voilà. Et... Regarde, on va le remettre à zéro, tiens. Et on va même le mettre à la poubelle. Allez, à demain. Prochaine. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est demain, c'est Dario, c'est Radio New York, nuit Radio non New York. Non, il se barre le bâtard. Eh ouais les gars. J'attends tous mes auditeurs à Tignes. Je présente, je vous rappelle, le Fire Mix Party by Tignes. Ouais, mais t'as encore une semaine avant. Non, je suis en vacances, je suis à Toulouse. Ah ouais. Voilà. Bah oui, bonne vacances. Travaillez oh là là. Profite un peu, JB là. C'est horrible. Assure-toi, y a pas de problème. Quel bâtard. Bon. Bon. Ouais. Bon, et n'oublie pas qu'à 6h, il y a JB. Il y a Bruno qui sera là. Bruno sera en radio avec David Guetta également à 8h15. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. À demain. On se quitte maintenant avec Demi Lovato. C'est Neon Lights sur Fun Radio. Et tu sais que Demi Lovato, elle fait pas les choses à moitié. Hein. Je. C'est sa dernière. C'était la dernière de l'année. C'est l'apothéose. Non, c'est sa dernière. Dernière, j'ai rendez-vous avec Jérôme, le boss de Fun. Demain, on va négocier quoi. Je pense qu'on va mettre Polo en fait la nuit. 2h-6h. Tu seras content. Ah, vas-y, j'adore. Polo, annonce un peu Flavelin et tout à la tchou-tcha-tcha. Non, je peux pas. Hey. Je peux pas. Fun Radio, le son Dance Floor. Fun Radio, le son Dance Floor. Flavel et Netto avec tchou-tcha-tcha. Ouais, mais mec, il manque une vanne. De quoi? Non, justement, ouais. C'est ça qui était parfait. C'était parfait. Be still my heart, 'cause it's freaking out.